Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le plan de cette semaine, assemblage requis. On goûtera un produit mystère dans notre segment Malbouffe, une grosse pointe d'adresse, et Tania nous racontera une histoire dans sa chronique Tania's Got Entertainment. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis pour la semaine du 6 juin 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hello, Tania. Hey, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Absolument, nos studios s'ennuient de nous. Et voilà. On est là pour remplir 3 heures de la grille horaire de ces fous avec plein de chroniques des plus palpitantes. Dans la première heure, on va faire son foutu palmarès parce que le début du mois de juin vient d'arriver, donc on va pouvoir célébrer des fêtes pendant le mois de juin, comme on ben le fait. Ben oui, c'est vrai. Alors, on va faire du c'est un fait, on a du ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a avec des gadgets inutiles. On a les instructions d'assemblage de prévues pour aujourd'hui ainsi qu'une grosse pointe d'adresse à la fin. Et j'entends dire que c'est toi, Tania, qui a choisi les produits avec la participation spéciale de quelqu'un qu'on présentera peut-être plus tard. Mais non, même pas. Elle était pas là quand je les ai achetés. Mais qu'elle mange là, non? Mais non. Elle a pas le droit de participer à Granny. Exactement. Ouais. Non, mais oui, c'est moi qui ai choisi aujourd'hui. Ben, ça faisait vraiment longtemps qu'on disait que c'était pas mal à mon tour de les amener. Absolument. Moi, j'ai décidé de passer mon tour les 2 dernières semaines. Donc, exactement. Et on s'ennuie de manger. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, je suis allée à l'épicerie. Hein? Je suis allée à l'épicerie. Oui. Puis je nous ai amené 2 produits aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on va faire ça tantôt. Génial. Donc ça, c'est en fin d'émission, dans la 3e heure. On a aussi ta chronique à toi qui s'en vient, Tania's Got Entertainment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien, écoute, je vais parler de motivation d'aller au gym. Okay. Je vais parler de couch potato. Je vais parler de règles d'or du gym. En fait, je vais parler de gym, point. Wow! Ouais. Gym Corca. Oui, c'est ça, pareil. On parle de lui aujourd'hui. Génial. Donc c'est dans l'émission d'aujourd'hui. On a 3 heures ensemble. Ça va être super le fun. Faut que la batterie embarque, ça veut dire que c'est le moment de passer en musique. Quand pas le choix. Quand il y a la batterie, ça veut dire... Oh, là, je suis dedans. Oh. Oh. Ça veut dire qu'il faut que j'appuie sur play sur une chanson de Baja Boulat que tu nous as choisie. Oui, voici fou. Au 89 FM, c'est fou. Scott et la pièce Fool en 15e position anglophone des Palmarès. C'est fou. Ces filles-là devant moi, en tout cas, j'ai deux filles, là, on n'a pas présenté l'autre, mais c'est Tania, j'ai les ai au doigt et comment t'appelles ça, au doigt et à l'ongle? Au doigt et à l'œil, Mathieu. Au doigt et à l'œil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Attends, je vais faire une recherche comme à chaque fois. Mais je claque des doigts, là, puis cling, les deux mettent leurs écouteurs. C'est incroyable. Boum. Parlant d'écouteurs, est-ce que quelqu'un m'a volé les miens parce qu'il était comme vraiment pour, fait pour une grosse tête? Ah, je sais pas, peut-être. En tout cas, au doigt et à l'œil, Mathieu. Au doigt et à l'œil. C'est quoi l'expression avec ongle dedans? C'est ce que Google me dit. Cherche l'expression avec ongle. Au doigt et à l'ongle? Non, mais cherche juste l'ongle. Expression ongle. OK. Ouais. Expression ongle. J'en dis, tape Google. C'est ça. Expression avec ongle. Ouais. OK, j'y vais. Expression courante avec ongle. Agrippe avec les ongles, c'est non? Exactement ça. C'est ça? Agrippe avec les ongles. Non, non, je pense pas. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ça, c'est un acharnement, une insistance, un effort. Avoir les ongles crochus, c'est être avare. Okay. Pourquoi on parle de ça? Jusqu'au bout des ongles. Ah, okay. C'est extrêmement en parlant de la caractéristique d'une personne. J'aime ça. Eh ben. C'est pas pire. Stéphanie Paradis, avant toi, avait une chronique d'expression à son âge requis. Ça manque. Voilà, on devrait le faire. Bref, parlant de chroniques qu'on n'en fait pas souvent, comme celle de Stéphanie Paradis qui est supposée venir au mois, mais que ça fait 6 mois qu'on l'a pas vue, on fait rarement aussi son foutu palmarès, que voici à l'instant. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et à chaque fois qu'on fait cette chronique-là, ça donne que c'est au début du mois parce qu'on veut se clencher la liste des fêtes qu'on peut célébrer pendant le mois. Puis on oublie tout le temps à leur parler pendant le mois, mais ça, absolument. C'est pas grave, ça, notre fête. C'est exactement vrai. Et aussi, on le fait jamais, genre, au début du mois parce que notre émission est aux semaines. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, il faut attendre un petit peu. C'est le moment, donc, de célébrer les fêtes qui vont avoir lieu pendant le mois de juin. Hein? Maintenant qu'on est au début, on est rendu le 7 en direct, donc dans ces coins-là pour les autres. Commençons par le 2 juin. Celle qu'on a ratée, hein, pour commencer, c'est la journée où on doit crier le mot fudge au cobra en Amérique du Nord. Si vous vivez dans le nord du canal de Panama, c'est la journée où vous devez crier fudge à midi heure locale. Ça fait peur aux cobras et ils s'en vont. Et ça a l'air quand même assez le fun. Faut pas crier cobra à du fudge. Non, c'est pas la même chose. C'est facile de faire l'erreur. L'inverse, ouais, il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Non? Oui, mais, tout ça. À l'épicerie, je compte tout le temps du monde qui cobra! Cobra! Cobra! Dans l'allée du chocolat. C'est ça. Ensuite, le 3 juin, c'était la journée du chimborazo. Est-ce que tu sais ce que c'est le chimborazo? C'est pas ce qui ressemble à un alpaga. Toi, là, c'est toujours un animal. Je te demande, c'est quoi quelque chose? C'est toujours un animal. Ça ou une maladie ou une maladie transmissible sexuellement. Ah, mais c'est vrai. On disait ça l'autre jour. Tout ressemblait à des maladies. Ce serait un bon pas message. Pas nécessairement transmissible sexuellement. Un bon message au début de l'émission. Protégez-vous. Cette émission est transmissible sexuellement. Et voilà. Donc, non, c'est le mont Chimborazo. Oui, on dirait une saucisse, mais non. Mont Chimborazo. C'est vrai, mais ça ressemble à chorizo. Chorizo. Chorizo. Donc, c'est en Équateur. En fait, La montagne la plus haute sur Terre. Oui, plus haut que le mont Everest. Je vais vous expliquer, en fait, pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que sur la photo qu'on a dans le document, il y a un alpaga. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. C'est juste pour ça que j'ai dit ça. C'est cet animal-là devant une saucisse. Non, devant une montagne. Il cherche une saucisse. Il cherche une saucisse. Donc, même si techniquement, elle est plus courte avec une élévation de 20564 versus le mont Everest, c'est 29 pieds. L'endroit où le Chimborazo est situé, ça lui donne une petite augmentation parce que l'équateur a une petite... Dans le fond, la planète est en forme de sphère. Hein? Mm-hmm. Je t'apprendrai rien. Et comme l'équateur est au milieu de la planète... C'est pas plein. On est déjà plus élevé à cause de l'équateur, tu comprends? Donc, même si la hauteur de la montagne est plus... court, mm-hmm. hauteur, il est... En tout cas, élévation. Donc, l'élévation est plus courte, c'est ça. Ça va donner plus haut à cause de l'équateur. Voilà. Ah. Ensuite, le 3 juin, ça, je pense que vous n'avez certainement entendu parler sur Facebook. Même toi, tu m'as écrit. Juste un peu, mettons. Tu sais, comme tout le monde postait là-dessus. À peine tout le monde. T'sais. À peine. Approximativement tout le monde, plus un. Non, c'était la journée nationale du beigne. Ben oui. Donc, penses-tu qu'ils donnaient des beignes gratuits chez Tim Hortons? Non, mais Timo, c'était un petit peu capitaliste, tout ça. Mais aux États-Unis, il y a bien des places où il y avait des endroits... Ouais, je sais. Ouais. On en avait déjà parlé de ça, en plus. Oui, tout à fait. 6 juin, C'est la journée... Attention, c'était hier, ça. Oui, c'est hier. C'est la journée... Dieu merci, nous sommes lundi. Ah, ouais, apparemment, il y a des gens dans le monde qui aiment ça les lundis. Ça je me suis zéro dit ça, moi. Là. Ouais, mettons que t'as plus fait comme le gars qui est sur la photo puis t'as frappé sur ton cadran. J'ai frappé sur bien des affaires. Oh! On en parle de nos pas. Transmissible sexuellement. Toujours le 6 juin, c'est la journée nationale du yo-yo. Ah! Yo-yo, blibop. Mais attends, ça, c'est la même journée qu'hier. Oui. Ah, les gens qui font le yo-yo. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez faire plein de sortes de passes. Mais tu sais pas c'est quoi faire le yo-yo non. quand t'es une personne? Non. C'est pas savoir ce que tu veux. Ah! C'est pas comme t'as jamais fait ça? C'est non. pas ça? C'est pas ça? Comment on appelle ça? C'est le retour on de balancier. On me fait signe à droite. Non, non, non. T'es donc, dans le champ, t'as boules, les boules qui claquent sur quelque chose d'autre puis ça fait claquer d'autres boules. C'est pas un yo-yo. Ça, c'est les petites boules qui claquent. C'est tant qu'il y a, tant qu'il y a un public qui fait des signes puis qui veut absolument parler, je pense qu'on va l'amener en nom. Caméra 3. Caméra 3. Marianne. Allô? Ça va? ben, dans le fond, je sais pas si tu parlais de ça, là, mais il y a l'effet yo-yo aussi. Ouais, non, mais je parlais vraiment d'être une personne yo-yo. Quand que tu dis à quelqu'un, non, mais t'es bien yo-yo, c'est que t'es jamais capable de prendre une décision. Ah, OK. Ça me semble raciste. Personne yo-yo. Toi, tu trouves que tout est raciste. Je sais pas c'est quelle date, mais il y avait le National Cheese Day, là, la journée nationale du fromage. Ouais. Ouais. C'est calme. Non, je pense que c'est pas dans le même mois, ça. Oui, c'était ce mois-ci. C'était la semaine passée, me semble. Mais peut-être y reviendrons-nous si ce l'était pas, par contre. Ouh. Parce qu'on a encore un bon bout du mois à faire, parce qu'on est seulement rendu au 8 juin, qui est pour nous en direct demain. C'est la journée Upsy-Daisy. Hein? Donc, si tu as aimé la fête qui célèbre les lundis, ça en est une autre, puis t'encourage à marcher de façon glorieuse, reconnaissante et avec joie, remplie de positivité, oui, et avec une marguerite dans les cheveux. Ah, ben oui, il faut surtout pas oublier la marguerite dans les c'est cheveux. C'est cute, hein? Ça change tout. On saute maintenant au 12 juin, c'est la journée nationale du jerky, comme dans le beef jerky. Aucune explication de plus requise. Moi, j'adore le beef jerky, je sais pas pour vous, mais. Il y en a certains que c'est correct. Il y en a d'autres que c'est pas super bon. Ça dépend de la sorte, ça dépend des épices. Ça dépend, t'es rendu où dans le Canada aussi pour les acheter. Ah, d'accord. Ouais. 18 juin, maintenant, c'est la journée mondiale du jonglage. Ah ouais? Pour ceux qui ont trippé lors du yo-yo tantôt, qui veulent passer à l'étape suivante. Est-ce que tu peux jongler des yo-yos? Sûrement. Sûrement. Mais pas avec les cordes, bien évidemment. Ben non. Sinon, ça va être... C'est ça. Ça va faire des nœuds. 19 juin, c'est la journée... attends un petit peu, celle-là, c'est une journée... c'est la journée mondiale du sauntering. Je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais c'est une journée où on ralentit, où on apprécie le monde autour de soi. De prendre le temps, se calmer. Prendre le temps. Est-ce que t'as déjà entendu le mot sauntering? Non, je trouve que c'est une expression... C'est le verbe... Sorti de nulle part. Saunter. S-A-U-N-T-E-R, qui veut évidemment dire en français, comme tout le monde le sait sur le bout de la langue, là, vous l'avez tous, vous allez sortir bientôt, c'est entrer d'un pas nonchalant. Ah, OK. Flâner. Ah! Journée nationale de flâner. La journée nationale du mondiale, flâner. Pardon, mondiale. Pas juste nationale. Le 21 juin, c'est la journée du skateboard. Journée du skateboard. Ben oui. Le 22 juin, c'est la journée de la reconnaissance des baby boomers. Il veut se faire reconnaître comme s'il s'était pas tout le temps fait reconnaître ouais, parce qu'il impose ça, c'est leur... C'est parce qu'on s'entend-tu que hein, ils sont pas mal déjà assez imposants de même. Pas mal ça. Avec leur résidence. Ensuite, le 23 juin, c'est la journée nationale Let It Go. C'est-tu sérieux ça? Ça n'a pas rapport avec Frozen par contre. OK, j'espère. Mais c'est dans la même thématique, donc c'est une journée où on laisse aller tout son bagage qu'on a derrière soi, tout ce qui nous retient dans la vie. Une bonne opportunité aussi, évidemment, d'avoir la chanson peinte en tête. Let It Go. Let it go. 23 juin, c'est la journée nationale de prendre un selfie quand t'es coureur. Ah, OK. Est-ce qu'il faut que tu sois en train de courir? Ah, ça le dit pas. Hein? Ça le dit pas. Ça le dit pas. Mais on fait attention en bougeant et en dansant, peu importe, non, si on prend son selfie, pas faire d'accident. Faites attention. C'est la Runner's Selfie Day. Ah, OK. Ensuite, le 24 juin, je sais qu'il y a d'autres fêtes là, à ces jours-là, mais celle-là est beaucoup plus importante. C'est la journée où on amène son chien au travail, le 24 juin. Ah, c'est bien, ça. Mais évidemment, ce sont pas des esclaves, faites-le pas sur travailler. Ah, ben non. C'est ça. Oubliez pas l'eau. Le 26 juin, c'est la journée des chalets en bûche. Ah, les petits chalets en bois rond. En bois rond, exactement. Donc, on reconnecte avec la nature. On revient à une époque un petit peu plus silencieuse. On peut aussi s'asseoir sous un arbre et relaxer hein, avec les bûches. Ah ben oui, rien de moins. On peut sortir aussi les restants de bûches de crème glacée dans le... De Noël. Dans le congélateur. Ben oui, hein? Ben oui. Se construire une maison avec ça. Ça ferait un beau phare. Wow, je pense que t'as vu le prochain. Ouais. 27 juin, la journée où on décide de se marier. Ça n'arrivera pas demain. Vous manquez votre opportunité si vous ne vous fiancez pas lors de cette journée du 27 juin. Est-ce que tu crois que c'est la journée où qu'il y a le plus de demandes en mariage? Peut-être. Oh. Mais c'est un bon moment pour ça quand même. Il fait beau. Il fait chaud. Mais c'est faut faire ça rapidement, par exemple. Peut-être juste pour ça, en fait, que les gens se marient, c'est parce qu'ils ont trop de chaleur au cerveau. C'est ça. C'est des insinuations, je comprends ça. Mais non, mais si tu demandes à quelqu'un de te marier là, faut que tu te dépêches à faire le mariage avant qu'il fasse plus beau. C'est vrai. Fait que t'as pas un grand délai, là. Mais en temps normal, honnêtement, c'est long à organiser un mariage. Je sais, ça prend minimum un an. Ben oui. Au moins. Faut sous-hypothéquer la deuxième hypothèque de ta... Hey, malade. Je sais pas comment ça fait ça. 30 juin. On arrive à la fin du mois. 30 juin, c'est la journée nationale de la poignée de main. Ah, ben oui. Wow. Rien de moins. Ça, là, pour ceux qui sont pas germophobe. Phobe. Hey, saviez-vous que Donald Trump était germophobe? Ouais. Ah ouais? Savez-vous ça? Je savais pas ça. Je te jure. Et il a l'air à être bien des affaires, lui. Oui, c'est ça. Toujours plus fucké. Exactement. On a terminé avec la liste des fêtes dans le mois. Il n'y a pas grand-chose de mémorable. Moi, je pense que ma préférée, c'est Jerky. Moi. Clairement. Moi, c'est Donut. Donut Disturb. Prochaine liste, c'est la liste thématique des 10 célèbres célébrités. À fêter au mois de juin des vedettes qui ont leur fête en même temps que le mois de la beigne, du beigne. Est-ce que vous dites là ou la beigne? Le beigne, tout le monde dit le beigne. Avant, je disais la beigne, jusqu'à temps que j'arrive à Québec un soir puis je me fasse dire « Comment est-ce que tu parles? » C'est dans quelle ville qu'on dit une beigne ou un autobus? À Trois-Rivières. C'est à Trois-Rivières, c'est ici. Ouais. Je suis pas capable de parler avec l'accent de Trois-Rivières. Mais c'est pour ça qu'en plus, puis c'est drôle parce que dans l'introduction de l'émission, j'ai vraiment dit par exprès « histoire » puis « histoire », mais je suis pas capable de faire l'accent triflé. Ah, parce que les gens disent ça, toi, là? Apparemment. Ah, OK. Donc, Donc, 1er juin 1926, naissance de Marilyn Monroe. Ouh! Mm-hmm. Elle est morte en 1962. Mm-hmm. Selon les mesures de la personne qui faisait ses vêtements, l'actrice était probablement un 6 ou un 8 dans ses vêtements. 3 juin 1906, c'est l'anniversaire de Josephine Baker. C'est une actrice, une danseuse, une chanteuse. Elle était espionne pour la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle utilisait de l'encre invisible pour cacher des notes et des cartes, donc des maps, dans ses feuilles de musique. Et elle mettait des photographies, top secrètes d'installations militaires allemandes dans ses sous-vêtements. Ah! Elle faisait tout, elle? Intéressant, oui, quand même! Puis si tu regardes la photo, elle a l'air de danser aussi. Elle danse avec... Tu sais le mouvement de genoux quand tu mets les mains sur les genoux, tu fais le genre de... Tu sais le running man, là, puis t'as l'autre là, avec les genoux. Je sais pas comment tu fais ça. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. La danse du genou? Non. La danse du... C'est peut-être le band, il danse avec les genoux. Il danse avec les genoux. C'est de là que ça vient. 8 juin 1867, c'est l'anniversaire, je mets des L partout, de Frank Lloyd Wright, qui est un architecte américain, un des mieux connus dans l'histoire. Son fils John était aussi dans le monde de la construction, mais à plus petite échelle. Le 31 août 1920, John a reçu un brevet pour la construction de chalets jouets Toy Cabin Construction, ce qu'on appelle de nos jours les Lincoln Logs. Le nom vient de son père, qui est né sous le nom de Frank Lincoln Wright et non pas Frank Lloyd Wright. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça les Lincoln Logs. Si tu cherches sur Google, tu vas voir des photos de ce jeu-là. Ouais, c'est pas mal plus... En tout cas, moi, j'ai pas entendu parler de ça vraiment au Québec. J'ai aucune idée si ça avait... C'est probablement très populaire aux États-Unis. Probablement. Ensuite, le 10 juin 1895, Hattie McDaniel, qui est devenue la première femme afro-américaine à gagner un Oscar en 1940. Elle a dû se rendre sur la scène d'une table qui était consacrée aux personnes noires, donc une table de ségrégation à l'arrière de la pièce. À cette époque-là, les salles de bain, les sections d'autobus, les abreuvoirs étaient en ségrégation. Donc, elle était dans sa propre table. À la place d'avoir une table pour enfants, c'est une table pour les noirs. Hey boy. Au fond de la salle. C'était en 1940. Qu'elle a gagné son Oscar. Oui, elle voilà. Née en 1850. Cherchez un autre chiffre, hein? Ben, cherchez sa naissance. 10 juin, toujours, 1928, Maurice Sendak. Donc, c'est... Colin, où est-il? C'est le gars qui a écrit, je crois, Where the Wild Things Are. Est-ce que ça se peut, ça? C'est pas écrit dans l'article. Maurice Sendak, on va aller voir ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas écrit dans l'article. D'habitude, tout est écrit et je peux me fier. Ouais, c'est ça, à l'article. Maurice Bernard Sendak, illustrateur de littérature d'enfance et de jeunesse, célèbre effectivement, comme je l'ai dit, pour Where the Wild Things Are, ou en français, Max et les Maxi-Monstres. Oui, voilà. Parce que les Français sont poches dans leur titre. 14 juin 1811, Harriet Beecher Stowe. Quand elle était jeune, Stowe était membre du club des points-virgule Semicolon Club, un rassemblement d'écrivains à Cincinnati, Ohio, au milieu du 19e siècle. Donc, elle était aussi membre d'un groupe littéraire qui a ensuite imprimé la première histoire publiée par Stowe. Alors que son nom, lui, était apparemment un hommage à Christopher Columbus, donc Christophe Colomb, dont le nom en espagnol était Cristobal Colón. Oh, Cristobal Colón. Cristobal Colón, donc Colón comme un deux points. Oui. Semicolon, c'est point-virgule. Alors que nous, pour point virgule, on dit point et virgule, alors qu'en anglais, c'est comme un deux points, mais avec une virgule à la place du deuxième point. Ouais. C'est mêlant. Hein? C'est très mêlant. C'est très mêlant. Donc, alors que, oui, on dit que quand le groupe n'était pas en train de découvrir des terres, comme Christophe Colomb, ils exploraient des livres. Voilà, qui valait le titre de leur prix Semicon. Hmm. 17 juin 1882, Igor Stravinsky. Hein? Stravinsky, tu connais? Igor Stravinsky. Donc, c'était celui qui a provoqué la plus grande manifestation reliée à un ballet. Ballet comme dans la danse, ah, oui, de l'histoire. Oui, oui. Trois décennies plus tard, en 1944, il a été accusé d'avoir gâché l'hymne national, d'avoir diffamé contre l'hymne national après avoir organisé un arrangement de la chanson Star Spangled Banner qui a dérangé les policiers de Boston. Ils étaient tellement fâchés qu'ils se sont présentés le soir d'après pour s'assurer qu'ils ne jouent pas une deuxième fois cette chanson-là. Je me demande si on peut chercher Stravinsky et son Star Spangled Banner. Stravinsky. Ouais, mon Google fou en ce moment. Absolument qu'on a ça. Colin, qu'on a qui s'appelle en français le Sacre du Printemps. Ah, je ne savais pas. Écoutons le Star Spangled Banner de Stravinsky. Igor. Oh, la main, c'est au bon endroit, oui. Oh, c'est Dieu. Chante pas, Tania! Ben, c'est pas le même beat, on dirait. Bon. C'est moi qui vais être gâché bientôt. On a je trouve pas que c'est gâché. Ouais, non, moi je trouve pas non plus. Vraiment pas. Mais selon les commentaires sur YouTube, ça dit que c'est une amélioration par rapport à l'original qui était encore pire. Ça demande pourquoi est-ce que les Américains ont choisi un musicien britannique pour leur chanson officielle pour la refaire. Vous pouvez aller voir un petit documentaire. John Williams conducts new arrangement of the. Je crois que c'est celui-là. Je le trouve vraiment pas si gâché que ça. Moi non plus, c'est pas si pire que ça. Mais bon. Ah! Que oui, oui. On a des chanteuses américaines qui ont fait pire. Oui, absolument. Alors, on passe au 22 juin maintenant. En 1947, c'était la naissance de Octavia Butler. Butler, qui est une auteure de science-fiction adorée. Elle dit qu'elle déteste son troisième roman, qui est Survivor. Elle a dit à Amazon.com, quand j'étais jeune, bien des gens ont écrit sur ce qui se passait dans un autre monde. Elle trouvait donc des petits hommes verts ou des petits hommes bruns, mais c'était tout le temps moindre. C'est ça, elle parlait que ça faisait paraître mal les gens. Ça dit, a little like the natives in a very bad old movie, un petit peu comme les personnes, comment t'appelles ça, pas amérindiennes, mais il y a un mot pour ça. Attends. Oui, c'est... aborigènes, voilà. Je pense qu'on utilise. Ouais. Mais si elle l'aimait pas, pourquoi elle l'écrit? Ouais, je sais pas. Je sais pas si elle était sous pression, quelque chose qu'elle devait sortir un livre, absolument, j'en ai aucune idée. 23 juin 1894, la naissance de Alfred Kinsey. Kinsey qui est surtout reconnu pour son ce qu'il a accompli dans le domaine de la sexualité humaine. Et en biologie aussi. Sa thèse doctorale a ramassé plus de 5, attends. Pour sa thèse doctorale, il a ramassé plus de 7,5 millions de Gall Wasps, donc des insectes, qui résident maintenant au musée américain, American Museum of Natural History à New York. Une énorme collection de ces bestioles. Dégueulasse. Qu'on appelle les cynipédies ou appelés les guêpes à galles. Guêpes à galles. Merci. Et ensuite, le 25 juin 1903, c'est la naissance de George Orwell, l'auteur de 1984, 1984, qui était très bon pour écrire plein de choses. En 1946, son essai Politics and the English Language contient 6 règles pour mieux écrire. Et cette même année-là, il a écrit 11 conseils pour faire et boire du thé. Donc, il était assez varié dans ses styles d'écriture. Ouais, vraiment, hein? George Orwell, né en 1903. Voilà pour la liste des personnes célèbres qui fêtent leur fête au mois de juin. Parce qu'on s'entend, en plus, si on lit 1984 aujourd'hui, c'est quand même assez intemporel. Absolument. Ça reste toujours à propos. Oui. C'est de là que venait le principe de Big Brother, c'est exactement, oui, exactement ça. C'est la surveillance de la population. Hein? Elle connaît ça? Ouais. Malgré son jeune âge. Donc voilà pour la collection Foutu Palmarès. Tout à l'heure, on va voir ce qu'on va faire. On va sauter du coq à l'ongle. Ah ouais? Du coq à l'ongle, je pense. Oui, comment? Du coq à l'ongle. C'est pas ça l'expression? Ah, c'est peut-être ça, du coq à l'ongle. On vient après la pause. Assemblage requis, reste là. Assemblage requis pour la semaine du 6 juin 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Toujours aussi avec notre invitée Marianne Baudin. Oui. Le nom de famille vous dit peut-être quelque chose. Ouais, c'est pas mal de famille. C'est un peu subtil quand même. Hein? Tout à l'heure, on va continuer avec une autre chronique. On va faire un petit peu de C'est un fait, mais avant ça, une chanson de Rouge Pompier. Nouvelle entrée de la semaine, en tout cas du plus récent palmarès, mettons. Il date de quand même il y a quelques semaines. Oui, quand même. C'est la chanson VHS qu'on écoute à l'instant. Assemblage requis, ça c'est fou. L'amour, c'est un piège dans la glace de l'hiver. Tu spines dans la neige, ta carte routière est à l'envers. Le modèle scénario, crampon sur Aladdin. Ton couple vole pas bien haut sur ton tapis de Saint-Valentin. Mets ça dans le prêle, pis wow, ralentis ici, parce que c'est croche dans ton esprit. Ce que t'entends dans le ghetto, c'est la toune de tes craintes. Ce qu'elle te dit, ce qu'elle te dit, c'est de baisser le volume de tes plaintes. De l'auto en arrière, le siège de la princesse sans prince, sans roi et sans château. Si tes yeux étaient pas comme un windshield en hiver, tu verrais peut-être qu'en avant l'asphalte t'amenait ailleurs que dans le clos. C'est celle de Walt Disney. Ton instinct s'est éteint dans quelque chose de pas pratique. Les échecs de tes tests de conduite, tu les as mérités. On trouve pas toujours la vie dans une grosse boîte de VHS en plastique. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct s'est éteint dans quelque chose de pas pratique. Les échecs de tes tests de conduite, tu les as mérités. On trouve pas toujours la vie dans une grosse boîte de VHS. De l'auto en arrière, le siège de la princesse sans prince, sans roi et sans château. Si tes yeux étaient pas comme un windshield en hiver, tu verrais peut-être qu'en avant l'asphalte t'amenait ailleurs que dans le clos. C'était Rouge Pompier, la pièce VHS, assemblage requis sur leur album Chevy Chase, le plus récent. Il y a une pièce qui s'appelle Même si tu frottes, je me demande comment ça sonne. Eh, je sais pas, hein. Donc toujours assemblage requis. Oui, oui, les petits oiseaux qui reviennent nous voir comme ils le font à chaque retour de pièce. Et maintenant, ils veulent en apprendre plus. On va leur enseigner, on va leur mettre des petits chapeaux. Ah oui! De finissant, parce que voici, c'est un feu! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Tu fais ta timide aujourd'hui. Mais non, j'avais oublié que ça revenait, puis j'étais en train d'ouvrir les liens, justement, alors j'ai eu un manque à mon cerveau. C'est mon toc, hein, dans les intros de chronique, il y a tout le temps deux fois le refrain. Et voilà. Tout le temps, c'est mon toc, c'est mon toc. Commençons par un fait. En passant, les liens sont sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent suivre et qui ne croient pas dans mes sources, qui se disent, mais voyons donc, ça se peut pas. Non. Ça arrive. Pourtant, c'est vrai parce que c'est selon Internet. Et voilà. Sur assemblagerequis.com. Commençons par Indianapolis, en Indiana, mm-hmm. qui a un programme de bénévolat qui s'appelle No One Dies Alone, N-O-D-A, Noda. Pas No Doubt. Pas No Doubt, c'est pas la même chose, c'est pas Gwen Stefani. C'est ça. Donc les bénévoles vont devenir compagnons en fait et soutenir les personnes mourantes qui n'ont pas de membres de leur famille pour venir les voir. Donc c'est un programme national centré sur le bénévolat. Ça a été démarré par Sandra Clark chez Peace Health en 2001. Le but est de fournir donc des compagnons et du soutien moral pour les personnes mourantes. Pour accomplir ça, les compagnons bénévoles vont recevoir une alerte ou un message lorsqu'un patient à l'hôpital est présentement en train de mourir, donc activement en train de mourir, qu'on nous dit. Les compagnons remplis de compassion vont ensuite venir à l'hôpital et vont rester avec le patient. Ils vont y aller en rotation, en horaire, si on veut, de 3 heures à la fois. Et pendant ce temps-là, les compagnons peuvent parler au patient, tenir leur main ou juste être une présence dans la pièce. C'est quand même... Cute, hein? Ouais, mais oui, c'est cute, mais c'est quand même une grosse tâche. Oui, mais 3 heures à la fois. Ouais. Mais c'est un beau programme, sérieusement. Ouais. Mm. Ouais. Pendant les régimes nazis, un petit peu un moins bon programme. Ouais, légèrement. Deux jumeaux avec un frère juif, père juif, pardon, ont été séparés à la naissance. Un a grandi en tant que nazi et l'autre a grandi en tant que juif. Ils se sont rencontrés de nouveau 25 ans plus tard. Je me demande ce que ça l'a donné. Mm-hmm. Mm. On peut les voir avec leur moustache sur Assemblage. Ouais, les deux ont une moustache. Ils ont les deux des lunettes. Ouais. Et ils ont presque la même coupe de cheveux. Oui, une chemise blanche et... les gardiens de zoo en Angleterre ont dû apprendre le français pour pouvoir parler à des babouins qui venaient d'un zoo français, étant donné que les animaux ne répondaient pas aux commandes en anglais. Je ne savais point. Ça aurait peut-être pu éviter un meurtre, ça, avec le babouin, là, au zoo, aux États-Unis. Ah, ben oui, le fameux gorille. C'est ça, ceux que les gens tellement sensés de la vie qui disent « Ah, il aurait dû tuer l'enfant, à la place. » Il y a des gens qui disent ça. Bon, ils sont agressifs. Il me semble que c'est juste les parents qui devraient retenir leur enfant pour pas qu'ils sautent dans la cage du gorille. C'est ça. C'est genre une des seules fois que c'est arrivé genre à la fille depuis des dizaines d'années. Là, puis, boum. Je pense pas que c'est la faute du zoo non plus. Chou, le gorille. Bref, l'eau de robinet. Oui. En Rome antique. Contenait probablement jusqu'à 100 fois plus de plomb que l'eau locale de source. Les historiens disent d'ailleurs que peut-être que l'Empire romain, est-ce qu'on dit de l'Ouest ou en tout cas l'Empire romain, je pense que oui, de l'Ouest, aurait pu donc mourir d'empoisonnement par le plomb. Oui, quand même. Mais c'était pas très très fréquent ça dans ces temps-là, justement, l'empoisonnement au plomb. Ouais. Peut-être que ça aidait. C'est sûrement ça. Mmh. Un homme nommé Ben Carpenter a pu se balader pour une méchante ride lorsque sa chaise roulante électrique s'est pognée dans une grille, dans un semi, c'est un camion semi, il y a comme une grille là-dedans. Donc accidentellement, il se l'a poussé sur l'autoroute et il a fait plusieurs kilomètres, environ 50 000 à l'heure de vitesse. Ça ressemble à un épisode de Seinfeld où il y avait la même situation. Ouch! C'est quand même rigolo, là. Ben, je dirais pas rigolo, là. Ben alors, si le gars devait pas trouver ça drôle. Non. Le monde qui le voyait peut-être un peu plus. Ouais. Et l'article dit pas qu'il est mort, donc j'imagine que sur les exactement, ça, donc on peut en rire. Fait que c'est quand même. En Corée du Nord, ça, on peut pas en rire, par contre. À chaque fois qu'un candidat politique est choisi par le parti au pouvoir, il y a seulement un nom sur le bulletin de vote. Les gens qui vont voter peuvent barrer le candidat de la personne du candidat. Sauf que pour voter contre la personne, ils doivent le faire avec un crayon rouge qui est à côté de la boîte de vote et ils sont vus par les officiers qui s'occupent de l'élection. Donc, ils sont obligés de prendre le crayon rouge comme dire « Je ne veux pas voter pour mon dictateur en chef. » C'est fun. Wow. Donc, puis là, après ça, ils sortent du bureau de bain. Boum! Boum! C'est finalement la confidentialité zéro. Ils les attachent après une chaise roulante. Ils les attachent après semi. Ça, mais ils font 50 000. Ils font 50 000 heures. Une personne qui est en sixième année dans une école de la Pennsylvanie, a découvert que le gouvernement américain, que si le gouvernement américain changeait la police de caractère sur leurs documents imprimés, il pourrait économiser presque 400 millions de dollars par année. Donc ici, on a sur l'image la police Times New Roman, mm-hmm. qui est un petit peu grasse. Ouais, quand même. Alors plus que la, d'encre. Ouais, plus d'encre. Donc la police Garamond. Elle ressemble beaucoup, énormément à Times New Roman, mais prend un caractère moins gras, souvent un petit peu moins facile à lire sur des documents qui sont peut-être photocopiés ou faxés. Mais quand même, on pourrait économiser 400 millions de dollars par année selon un enfant de 6e année. C'est des choses comme ça qu'il faut dans la vie des gens qui pensent. Demain. Dans un temps, ça ferait du bien au budget des États-Unis, là? Absolument. Ils en ont besoin avec la dette. Il y a un mouvement pour ramasser et préserver les histoires des personnes qui sont encore vivantes pour la prochaine génération. Les enregistrements sont sauvegardés à la Library of Congress, donc la bibliothèque du Congrès, pour l'éternité. Donc c'est depuis 2003, StoryCorps qui a ramassé et archivé plus de 50 000 entrevues avec 100 000 participants. Chaque conversation est enregistrée sur un CD pour être partagée et c'est préservé, comme je disais, à l'American Folklife, au American Folklife Center à la Library of Congress. StoryCorps est un des plus grands projets oraux de son genre. Leur mission est de fournir des gens de toutes les croyances, de toutes les historiques, peu importe les villages et tout ça, donc pour préserver leur histoire pour le reste de l'humanité. Je crois qu'en CD, ça ne dure pas super long. J'espère non, qu'à chaque dire... génération de médias, ils vont changer d'un CD à un disque dur. Ben, j'espère, quand même. Je sais pas, Blu-ray, peu importe. Ça doit se faire. Probablement. Il y a un musée dans le Kentucky qui est aussi une place pour aller mettre au repos des poupées de ventriloques. Ah, non, non, ouais. non. Donc, des ça doit être tellement épeurant. Absolument. Chucky, genre. Ouais. Est-ce que c'est le genre de film d'horreur qui vous tient réveillé? J'écoute juste pas ça. Non. Moi, j'ai vu Annabelle là, dernièrement. Ouais, ouais. Oh, j'ai de la misère. Non, c'est pas pour moi non plus. Donc, les poupées de ventriloques qui sont mortes, ça s'appelle le Vent Haven Museum. C'est le seul et unique musée au monde de poupées ventriloques, de ventriloques. Donc, les marionnettes qui ne sont plus employées, qui ont perdu leur emploi, souvent à cause de la mort de leur propriétaire, sont affichées là et on peut aller les visiter. Il y a un championnat mondial des courses en wok chinois. Donc c'est comme du bobsleigh. Comme du bobsleigh, mais comme les wok qu'on voit dans les restaurants thaïlandais, vietnamiens, peu importe. Donc les grands, grands wok là, sur une flamme, là, mm-hmm. Où ils font leur général Tao. Comme au Thaï Express. Ah, maudit, oui. ouais, toi, puis des marques, hein, ça veut dire qu'ils nous donnent de l'argent à l'instant. Ils nous donnent de l'argent, Thaï Express. Oui. Comme dans les restaurants thaïs. C'est normal, c'est ça. Donc les gens s'en servent pour faire du bobsleigh, comme tu as dit. C'est super cute, super le fun, ça a l'air vraiment glissant. Je sais pas s'ils mettent de l'huile en dessous. Je sais pas, non, ça doit. Peut-être juste. Peut-être juste le serrer comme les skis de bobsleigh. Mettre du phare. C'est ça du phare? C'est ça du phare. Fartage, farter ton, tes skis. On dit, non, on dit ça, farter tes skis. Oui, oui, je sais qu'on dit ça, mais. Ça fait toujours rire à chaque fois. C'est du phare? Je sais pas. Donc, ça a été développé par un animateur de télé allemand, un entertainer qui s'appelle Stefan Raab. Application des phares. Ben voilà. Voilà. T'avais raison. Je sais. Donc, les woks chinois modifiés sont utilisés pour faire des descentes timées, donc chronométrées, un peu comme. Ben, en fait, ça se passe sur une piste de bobsleigh olympique. Il y a des compétitions pour des walk sled à une personne et des walk sled à quatre personnes. Et ça, ça utilise un 4 walk par sled. Mmh. Par sled. Donc, j'imagine qu'ils les attachent ensemble d'une certaine façon dans un rack. Mais vraiment cool comme sport. Mais ça doit être dangereux. Ça doit tellement être plus dangereux que le bobsleigh, en fait. Je me demande si le bobsleigh, c'est super dangereux aussi. Oui, oui, oui, vraiment. Ça a tué quelqu'un à un moment donné aux Olympiques oui, il y a quelques années. Oui, exactement. En pratique, en plus, c'est juste les miens. Ouch. Un chercheur des années 70 nommé Alan Ingham donc a mis des bandeaux sur les yeux des participants et leur a dit qu'ils allaient jouer à du souk à la corde. OK. Hein? Donc tirer sur une corde en gang ou tout seul. Donc lorsqu'il se faisait dire que les membres de l'autre équipe lorsqu'il se faisait dire qu'ils avaient d'autres membres de leur équipe derrière eux, donc ils pensaient qu'il y avait plusieurs personnes derrière eux, les gens tiraient 18% moins fort que lorsqu'il se faisait dire qu'ils étaient seuls contre une équipe. Donc psychologiquement. On va se partager la tâche. Je pense qu'on fait tout ça quand on doit aider quelqu'un. On se dit bon ben je vais forcer moins parce que tu sais si je force trop je vais avoir la benne trop puissant puis je vais. C'est ça. C'est ça. Donc 18% moins. Ensuite, Stetson Kennedy a infiltré le Ku Klux Klan, a pris tous leurs rituels et leurs mots codes. Il leur a fourni, en fait ces mots codes-là, les rituels aux écrivains de l'émission Superman. Ils ont produit 16 épisodes où Superman se battait contre le Ku Klux Klan, ce qui a mené donc à ce que finalement le Ku Klux Klan réussisse moins à ramasser des gens à recruter du monde. Ça fait qu'ils ont pu recruter moins de monde parce que leur Superman c'était dit qu'il était méchant. Voilà. En 2012, un chien nommé Bear a sauvé la vie d'un garçon de 14 ans dans le Michigan. Il l'a sauvé donc de la noyade dans la piscine de la famille. Donc le bambin est tombé dans la piscine. Le chien a sauté peu de temps après et a commencé à l'équilibrer et à le balancer sur son dos. Donc l'enfant sur le dos du chien, pour que la tête de l'enfant reste au-dessus de l'eau jusqu'à ce que la mère vienne le chercher. Et ça a sauvé la vie du garçon de 14 mois. Bon. Ah, les petits chiens. Ouais, petits chiens. tiens, on va au chat maintenant. Le Bornean Bay Cat est un des chats les plus rares, un des chats sauvages les plus rares au monde. Seulement 12 spécimens ont été étudiés entre 1874 et 2002. Et l'espèce n'a jamais été capturée sur vidéo avant 2009. Mais ils ont pas l'air gentils, en tout cas. Non, ils ressemblent à un lémur mélangé avec un renard, mélangé avec un chat, mélangé avec un lion. Ouais, exactement. Tiens. Je disais un peu n'importe quoi. Peut-être un jaguar aussi. Peut-être un jaguar. Mmh. Ouais. Il y a un village anglais qui est en fait un modèle à l'échelle de lui-même, qui est situé dans un modèle à l'échelle de lui-même, qui est situé dans un modèle à l'échelle de lui-même, qui est situé dans un modèle à l'échelle de lui-même. C'est comme un village Inception, genre. Ouais, hein, vraiment. Et les photos le montrent. Dans le village, il y a un plus petit village en copie conforme, en plus petit, en plus petit, en plus petit, en plus petit. Donc allez voir les photos. C'est un village anglais qui s'appelle Burton on the Water. Burton sur l'eau. Il y a quelqu'un qui avait du temps à perdre. Vraiment. Et quelqu'un qui avait du temps à perdre de s'inspirer du temps du gars qui avait du temps à perdre. Ouais. Etc. Mais côté tourisme, oui. Ça doit être vraiment bon pour la ville. Absolument. Agence ouais. Tourisme. Est-ce qu'il y a une agence touristique qui s'appelle Agence Tourisme, un peu comme l'agence touriste à la télé? Ouh, je sais pas, c'est une bonne question. Pensez-y. À Kyoto, au Japon, il y a 5 temples qui ont des taches de sang sur le plafond. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des taches de sang sur le plafond? C'est qu'on a utilisé des planchers de châteaux où les guerriers se tuaient eux-mêmes après s'être battus avec une armée pendant 11 jours. Donc, on peut toujours voir les empreintes de pieds de nos jours parce qu'on a utilisé des planchers pour faire les plafonds des 5 temples. Hein? Ça leur tentait pas de les laver, ben non, perte de temps. Ah, c'est là, agréable. C'est... Ensuite... Pheasant Island, c'est une île qui est propriété de la France et de l'Espagne en même temps. Donc, ah ouais? Ils sont en garde partagée. Pendant ils font 6 mois de fois, 10 mois à la fois. Est-ce que tu crois que les Espagnols ouais. Et les Français ont comme un radais pour pouvoir y aller? Peut-être. C'est une très bonne question, j'avoue. Probablement, parce que tu voyages dans ta propre... Dans ton propre pays, en théorie. Malgré que des fois, c'est pas mal plus cher de voyager dans son propre pays. Ouais, comme ici. Donc, ça, tu veux être de l'autre pays, dans le fond. Fait que pendant les 6 mois où la France est propriétaire, c'est tu veux ça. Être espagnol. Puis là, c'est compliqué. Ça. Est-ce que tu dois apprendre la langue de l'autre pays? Ben, ils doivent parler les deux langues, un peu comme nous avec le français puis l'anglais. Oui, et est-ce que tu trouves le reste de la population exotique? Tu te dis, ah, oh, waouh, je vais me taper une petite espagnole aujourd'hui. Dans le fond, c'est une de tes voisines qui est là depuis toujours. On sait plein de questions en suspens. Plein de questions. C'est Pheasant Island. Retrouver qu'il y a quelqu'un qui habite là puis pose la question. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Pheasant Island. Faites-nous signe. Ça s'écrit Pheasent. Le lien sur assemblagewiki.com pour la page Wikipédia. À New York, il y a une terre en forme, en fait, de la grandeur d'une pizza. OK? Donc, il y a une place de la grosseur d'une pizza en plein milieu d'un trottoir. C'est le résultat d'une erreur de... comment t'appelles ça? De zonage ou de... Tu sais, des fois, tu vas vérifier, bon, oui, tu sais, oui, qu'est-ce oui. qui appartient à qui, tu sais, les terrains, bon, le trottoir appartient à la ville, mais là, bon, tu sais, etc. Donc, ça a été laissé là, ça fait partie d'un... ça a été légué, si on veut, par une famille. Donc, les héritiers ont refusé de donner leur terre de la grandeur d'une pizza à New York. À la place, ils ont installé une mosaïque sur la pizza en 1922. La mosaïque est toujours là, entouré du trottoir, parce que le trottoir appartient à la ville. À la ville, mais pas ça. Pas la pizza. C'est cool, hein? C'est quand même... C'est très bien fait. Et en fait, je vais voir... l'article disait pizza-sized plot of land, donc de la grosseur d'une pizza, mais c'est pizza-sliced plot of land, parce que c'est en forme d'une pointe de pizza. Ça s'appelle le Hess Triangle. Ça a été donc écrit sur Wikipédia. Il y a une grande... un bon 3 paragraphes dessus. Ça mesure 25 pouces et demi. 65 cm à la base, 27 pouces et demi ou 70 cm sur les côtés. Donc, c'est un triangle, les filles? Un triangle? Oui, un triangle de quelle sorte? Ah, je sais pas. Je suis jamais bonne avec ça. Une base, deux côtés pareils. Isocèle? Isocèle. Marianne, tu perds un point. OK. En fait, je sais pas si Tania a gagné un point. Oui, ma question, c'est si c'est en forme de pizza, est-ce qu'ils l'ont décoré avec la mosaïque comme une pizza? À chaque Halloween, genre. Ce serait pas la journée nationale pizza. Ils pourraient, genre, la déguiser. Hey, ce serait hot. Ben, là, la déguiser, genre mettre du fromage puis du pepperoni. Oui. Ouais, mais comme une mosaïque, tu sais, comme au lieu de mettre des carrés ou je sais pas quoi, ils mettent genre des morceaux de mosaïque en forme de pepperoni puis ça fait comme une vraie pizza. Moi, trottoir. J'aime ça. Ou encore, il pourrait y avoir les Français et les Espagnols qui viennent se procurer cette terre-là et parler à moitié de l'année, c'est au fromage et au vin, la pizza. Et l'autre. Partie de la, l'année, c'est tôt, moi. Non. C'est terrible, ton idée. Terrible. bref, sur la pointe de l'épisode, c'est écrit propriété de, du Hess Estate, donc de la famille Hess, which has never been educated for public purposes, qui n'a jamais été. Non, attends, dedicated, pas educated. Ouais. Qui n'a jamais été dédié pour l'espace public. Donc, ça appartient à la famille Hess. Mais si c'est un terrain privé, est-ce qu'on a le droit de marcher dessus? Oh, bonne question! Ben, probablement que si c'est en plein milieu du trottoir, oui. Là. Et si t'as un toc, puis tu dois sauter par-dessus les lignes, puis qu'il n'y a pas de ligne parce que ce triangle-là n'a pas de ligne dessus parce qu'il fait pas partie du trottoir, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu passes à côté. Ça devient compliqué. Ouais. Il y a une université pour Père Noël qui enseigne les capacités, les habiletés, les talents au Père Noël professionnel, comme la connaissance des jouets, les poses parfaites du Père Noël et comment éviter une poursuite. Oui, quand même, c'est très important. Hein? C'est vraiment bon. Donc, un Père Noël bien placé, hautement placé, peut faire jusqu'à 100 000 $ par année selon cette université-là. C'est quand même bien. Puis, où cette université-là? Ça le dit pas, on va aller voir. On va aller voir. Moi, je sais, en tout cas, pertinemment, que c'est plus une université approuvée que la Trump University. Ça, c'est sûr, sûr, sûr, sûr. Mais tu sais, quand il pense, finalement, il travaille un mois de toute sa vie. À peu près, ouais. Ben, c'est quand non, même payant. Quand tu y penses, je pense que ça commence à certaines places, à différentes novembre. Places. Ouais, novembre. Ouais. Après ça travaille deux mois sur 12. Après Halloween, aussitôt que tu enlèves le déguisement de pizza à ta tranche de pointe de pizza, tu me jettes pas de pernelle. C'est ça. À l'année longue, elle a un petit quelque chose. Ouais. Elle a un petit quelque chose. Dans la vidéo sur YouTube, je ne vois pas de nom de ville, malheureusement. Peut-être que si je Google Santa Claus University. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Donc c'est à... Attention, c'est la 14e année déjà qu'on fait ça. Est-ce qu'on peut juste me donner une ville? Discover Santa, c'est dans le Missouri. Branson, dans le Missouri, je crois que oui. Oh, tiens, il y en a plusieurs. School Locations, Houston, Texas. Quantico en Virginie, comme Quantico, la série télé. Oui. Denver, Colorado, Los Angeles, Seattle, Washington, Tampa en Floride. Donc c'est les écoles du Père Noël. Il y a un conservatoire aussi à Hollywood. Oh, intéressant. Voilà, pour ça, ensuite, on va à une autre université, on va à Harvard cette fois-ci, qui a une bibliothèque de pigments où les sources de rares couleurs, donc des couleurs qui n'existent plus vraiment naturellement, sont placées, sont stockées. Donc ces sources-là, c'est entre autres des coquilles d'insectes qui sont maintenant en extinction. Donc en poudre, on va prendre ces coquilles-là, on va mettre ça en poudre, du métal empoisonné, des enveloppes de momies égyptiennes, des trucs comme ça. Donc c'était des couleurs qu'on voit moins de nos jours, en tout cas pas naturellement. Donc allez voir les fioles sur assemblagerequis.com. Elles n'ont pas l'air énormes, ces fioles-là. Non, hein, c'est vrai. Ça pourrait être dangereux de les perdre un jour. Mais j'imagine que ça, c'est une portion des poudres qu'il y en a ailleurs. De beaucoup d'autres recherches, comme oui, exactement. Comme ça, si ça paille en feu, mettons. En 1993, les égyptologues ont envoyé une petite sonde, un rover qu'on appelle, dans les trappes d'aération de la grande... Pardon, de la Grande Pyramide en Égypte. Le rover est entré en contact avec une porte de pierre avec deux poignées en cuivre qui étaient attachées à la porte. Encore aujourd'hui, cette porte-là n'a pas été ouverte et on ne sait pas où elle mène. Parce que j'imagine qu'on ne veut pas détruire la porte. Mais c'est tellement intriguant. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ça devient des sites historiques. Hein, ouais. Fait que tu peux pas nécessairement faire tout ce que tu veux si t'es un chercheur, un égyptologue. Comment tu fais pour ouvrir la porte sans l'endommager? Exact. J'imagine qu'ils se posent la question et qu'ils osent pas faire grand-chose. Surtout que toi, t'es vieux. Fait que si tu y touches, ça peut tout... C'est faux. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. C'est que t'as pas le droit, en fait. J'ai compris de pas le faire, de pas vouloir le faire. En 2012, un pitbull nommé Lily... On revient un petit peu au sauvetage de personnes ici. Donc, un pitbull nommé Lily a tiré sur son propriétaire inconscient, qui était en train de se faire frapper par un train presque, un train de livraison. Le chauffeur dit qu'il a vu le chien en train de tirer la femme, en fait c'est une femme, n'abandonnant pas, même si le train n'arrêtait pas à temps. Le chien a préféré tirer quand même, et le chien a réussi à sauver la femme et a survécu avec quelques blessures d'impact lui-même. Le chien a été frappé, mais un petit peu, ça l'a blessé, mais il est quand même encore en vie à l'époque où la nouvelle a eu lieu en 2012. Évidemment, c'est pas à jour dans la journée. On peut s'imaginer qu'il est encore vivant. Le télégraphe a été inventé à cause d'une rupture ou en tout cas d'une peine d'amour. C'est Samuel Morse qui a quitté la ville pour peindre un portrait. Sa femme est tombée malade, elle est morte. Étant donné que ça a pris des jours avant qu'il sache qu'elle était malade, il était tellement fâché qu'il a commencé à focusser sa carrière. Sa carrière d'art à la place, il a décidé de la place améliorer la communication longue distance d'état en état. Donc je crois que c'est dans son état à lui, mais quand même, donc il a abandonné les arts un petit peu pour pas que ça arrive à d'autres personnes. Oh. Pour qu'on puisse se parler par télégramme. Voilà. Ça a changé sa vie et ça a changé le monde des communications. C'est sûr. L'histoire est sur rassemblagerequipe.com, est un petit peu plus longue que ça avec quelques détails. Ensuite, les utilisateurs de téléphones cellulaires dans des pays pauvres peuvent accéder à des articles Wikipédia sans avoir à payer de données grâce à un concept qui s'appelle Wikipédia Zéro. Présentement, ça opère dans 34 pays. Donc, Wikipédia Zéro, c'est un Wikipédia sans images, sans photos, et les gens peuvent se connecter à ces pages-là sans payer de données. Il y a aussi un projet qui s'appelle Facebook Zéro, okay. Même que je crois que ça, Facebook Zéro est venu avant Wikipédia, selon leur page Wikipédia, eux. Et les gens vont sur Facebook, mais sans photo, juste pour voir les statuts, se tenir au courant des nouvelles et j'imagine pouvoir parler à du monde. Donc, y a une page Wikipédia pour Wikipédia Zéro, et ainsi qu'une page Wikipédia pour Facebook Zéro. Pour ceux que ça intéresse, je suis allé lire ça un petit peu hier, puis j'aimais bien gros ça. Ensuite, pour terminer, en fait, environ 26,5 millions de Canadiens ont regardé la partie Canada versus les États-Unis, la partie de hockey pour où le... c'était pour... Au championnat du monde, exactement. Aux Olympiques, mm-hmm. en fait, de 2010. Olympiques d'hiver. Exact. C'est-à-dire 80% de la population qui a regardé ce match-là. Du Canada, oui. Te rappelles-tu c'est qui a regardé? Qui a gagné? Mais ça, en 2010, c'est le Canada. Bon. Tu vois, ça va... C'est le genre de détail que j'aurais aimé qu'il y ait dans l'article. Ouais, il l'a pas. Hein? J'aimerais écrire ces articles-là moi-même, t'sais. Mais à la place, je préfère les lire en surface, à la radio. Hein? Voilà pour cet effet. Les liens sont sur rassemblagerequipe.com. On retourne en musique, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, on s'en va entendre une pièce de Hooded Fang, Tania. Sur le palmarès anglophone. Oui, c'est Tunnel Vision. C'est l'assemblage requis. Assez fou. 89 ans. We'll be right back. C'était Hooded Fang avec la pièce Tunnel Vision. Au retour de la pause, on a 16, mais ça devrait répondre là. Mm-hmm. Et ta chronique, ta nièce, Galen, tout est bien. Wouhou, restez là. À son âge requis. Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.9. Pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour la semaine du 6 juin 2016. C'est Nathalie Baudin. Avec Mathieu Plante. Toujours avec notre invitée spéciale, Marianne Baudet. Et je pense que ce serait le moment, vu que maintenant tu es habituée à parler en nombre depuis quelques chroniques, on pourrait te présenter un petit peu qui es-tu, Marianne Baudet, non? Je suis une étudiante au cégep de Trois-Rivières. Oh, c'est nouveau, hein? J'ai commencé, la fois je viens de finir ma première année. Ah, OK, OK. J'ai 17 ans. Oui. Puis... je sais pas quoi t'as d'autre. Je suis la cousine d'Atania. Ouais, oui, ben c'est ça que je voulais savoir. Exactement. En fait, oui, ouais, parenté. C'est ma cousine. Hey. Puis on avait déjà discuté du fait de faire comme une espèce de stage d'observation dans une de nos émissions à toi et moi, Mathieu. Parce qu'on en avait déjà eu, en fait, des gens du cégep qui étaient venus en observation le matin très, très tôt. Tout à fait. Et comme l'opportunité se montrait un petit peu plus tard dans la journée, durant la saison estivale, eh bien, j'ai tout simplement demandé à Marianne si aujourd'hui ça lui tentait de venir faire son stage d'observation. Et la voilà en studio c'est avec fun. Nous. C'est très fun de t'avoir. Et c'est le fun aussi comme moment pour venir avec nous faire de la radio parce qu'il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de chroniqueur, tu sais, qu'il faut leur laisser la place. On est juste là pour s'amuser, donc on peut partir. C'est vraiment une belle expérience, sérieusement. On est bien content de t'avoir. Donc, Marianne Baudet pour le reste de l'émission. Encore. On va faire Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a dans quelques instants. En fait, je pense qu'on était rendu là. Ouais, on était rendu là. Je regarde ça. On va pas retourner en musique. On arrive de la musique. Tout à ça fait. On va faire la musique. Non, donc on s'en va s'acheter des gadgets. Sortez la carte de crédit. Sortez, sortez votre chicken. Chiching. Oui, chiching. Bravo, merci. C'est Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça me de répondre là, la chronique où on achète des gadgets ridicules sur Internet. Y en a-t-il des affaires le fun? Ah, c'est fou. Eh boy, donc on commence avec quelque chose qui pourrait être quand même un peu utile pour ceux qui aiment réutiliser des choses sans avoir acheté du plastique tout le temps. C'est des pailles à boire en bambou. Ah, c'est une bonne idée. En bambou. Donc, je sais pas combien de pailles de plastique vous utilisez dans une année. Moi, dis t'en sais que mon café glacé, j'en prends un par jour. C'est vrai. Ça fait beaucoup. 365. Ouais, genre. Mettons sur quelque chose comme ça. Arrondi, mettons un peu. Donc, c'est ça. Ça pourrait vous aider à sauver la planète. Bamboo Drinking Straws qui sont disponibles sur Amazon. C'est évidemment réutilisable. C'est fait à la main par des artisans en utilisant du bambou des montagnes du Bali. Je suis sûr que c'est parce que, vu que c'est du bambou, ça coûte pas mal plus cher. Probablement, probablement. On va aller voir le prix dans quelques instants. Donc, c'est sustainable, donc c'est renouvelable et c'est eco-friendly, comme on dit. Ben, une alternative au pétrole et autres plastiques. Pas tant que ça, parce que quand on pense à ça, les pandas manquent déjà de bambou. Fait que, on les enlève du bambou pour faire des pailles. Mmh. Ouais, mais comme c'est marqué sustainable, j'imagine qu'ils doivent avoir planté des arbres de bambou juste pour ça. Je sais pas combien ça prend de temps pour qu'un arbre de bambou pousse, j'en ai aucune idée. C'est pas super long, je pense. Non. Et tu disais cher, peut-être pas si cher que ça, parce que je regarde ici, ça s'appelle, c'est marqué 365 Bamboo Drinking Straws, Beautiful Set of 10, donc un ensemble de 10 pailles de bambou pour 18$ américains. Pas si pire. Pas si pire, il y a des pailles de différentes longueurs, donc t'as 15 cm, ça c'est le prix que je viens de dire, et des 20 cm pour 17,54 pour les 20 cm. Hey, c'est le même prix pour les deux. Même prix, peu importe la longueur. Un peu platouné. J'avoue que ça sert pas à grand. Il aurait dit, il me semble, charger plus cher, mais Un petit rabais quelque part, non? Il se dit que chaque achat soutient deux causes. Donc, avec chaque commande, vous aidez les tribus de Bali. Et en plus, vous amenez des produits sustainable dans votre maison. Il n'y a pas grand d'autres détails sur les pandas. Ça n'amène pas le point des pandas. J'aurais aimé qu'il me le précise. Ouais. Ce qui est très à la mode aussi en ce moment, c'est les pailles de stainless steel en acier inoxydable. Oui, c'est vrai ça. C'est bien à la mode. Donc, dépendant de la texture que vous aimez avoir sur vos lèvres, allez-y comme ça vous tente. Ce qui est fun avec les pailles en stainless, c'est qu'ils sont... c'est pas le cas pour ça en bambou. Ils ont un petit pli sur le dessus, comme les vraies pailles, sont comme à angle. Ah ouais, pour que ça aille mieux. Ouais, c'est ça. Donc, les bambous, c'est vraiment des pailles droites et tu peux pas les bouger, évidemment, parce que crime, c'est du bambou, ça va casser. Hein? Mm. Ça va casser. Ensuite, allons-y avec d'autres pailles, tiens. Ça, c'est quand même le fun aussi, c'est des pailles musicales. C'est les Wet My Whistle Musical Drinking Straws. Ouais, bon. Wet My Whistle, comme dans Mouille-moi le sifflet, comme on dit. Hein? C'est bien ça. C'est bien dit. Donc, vous permet de faire des bulles dans votre boisson tout en jouant de la belle petite musique. Vous insérez donc la paille dans votre liquide, vous soufflez dessus et ça va faire du sifflement. Est-ce qu'il faut que tu souffles ou que tu aspires? Parce que si tu souffles, ça fait des bulles dans ton drink. C'est, je crois que c'est soufflé en tant que tel. Ça dit « gently blow ». Pour boire, vous placez... Alors, en tant que tel, si t'inspirais puis que ça faisait de la musique tout le temps, tu pourrais pas boire parce que ce serait tout le temps en train de faire de la musique. Ça serait tout le temps en train de sortir par le trou du sifflet. C'est ça, c'est un petit peu déconcentrant sinon. Donc, pour boire, vous placez votre doigt sur le trou. Et ça fonctionne comme normalement. C'est réutilisable, ça va au lave-vaisselle, c'est parfait pour siffler n'importe quand, siffler en travaillant. Je trouve ça tellement inadéquat. pas la seule. Non. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui vont emmener ça à l'école pis là, pendant l'heure du dîner. Là, ça va tout le temps être en train de siffler. Oui, ça va être cacophonique. Wow! Et en plus, tu vas pouvoir lancer des boules de papier de Oh, je sais pas si ça mouillé. Fonctionne. Hein? Je sais pas. Ça va faire de la musique. Ouais. Ah! Ça va stouler les gens qui font du... qui tirent des boules de papier. Les gens sont pas intelligents même, hein, tu sais. Ils vont acheter des pâtes, des pâtes même pour faire ça. Est-ce que vous êtes du genre à faire votre propre pâte à tarte ou à pizza? Parfois, oui. Pas encore? Non, c'est un peu trop difficile. Trop jeune pour ça. donc, c'est un sac pour ceux qui veulent faire leur propre croûte. C'est un simple. Sac. Hein? Un sac avec un peu comme un sac dans lequel pourrait venir un oreiller en tant que tel ou un drap. Tu sais, le sac avec un zip tout le tour. Mm-hmm. Donc, c'est ce genre de choses-là. T'insères la pâte à tarte à l'intérieur ou la pâte de pizza et tu peux après ça rouler avec ton rouleau à pâte et faire la forme d'une pizza, mettons, sans avoir à vraiment faire attention pour que les côtés soient droits, etc., etc. Ce qui peut être un petit peu plus long. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux faire une croûte vraiment épaisse, l'épaisseur du sac. Ah, c'est vrai. Cool. Finalement, c'est un moule. C'est comme un moule, ouais, mais flexible, genre. OK. Genre, ouais, c'est un bon point, ça ressemble à un moule. Donc, un moule de plastique avec un zip, ça nous dit que le zip, des fois, va interférer avec, avec le rouleau à part parce que le zip va être dans les jambes, mais là, à un moment donné, tasse-le. Et puis, tu peux nettoyer avec un petit peu d'eau savonneuse et le pendre pour le suspendre, oui, pour le faire sécher. Votre propre tarte de forme parfaite, t'en dirais que vous êtes un pâtissier professionnel. Ensuite, c'est un signet illuminé Kiwi, donc K-Y-O-U-E-I. Si vous êtes un liseur de livres sur papier, hein, c'est un circuit d'encre argenté, silver ink, imprimé sur un film transparent spécial qui émet de la lumière lorsqu'il est plié par-dessus la pile au lithium, une genre de pièce de monnaie, si on c'est veut, comme la batterie. Si tu le repliais sur lui-même, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui fait que ça allume la lumière, finalement. Donc c'est ça, c'est squeezé entre deux contacts, deux lumières LED qui vont vous pointer vers votre page pour que vous puissiez lire. Donc c'est comme une lumière directionnelle qu'on a en tout temps et qui sert aussi de signet. C'est pas plus simple de juste acheter une lumière. Ouais, mais non, là, mais c'est là, ça fait deux choses en même temps. Ouais. Ah. Deux dans un. Maintenant, combien paierais-tu? 16$ américains. Ah ben c'est pas. C'est pas si pire quand même. Plus le GP. Ouais. Puis le taux change. Oui, aussi. Bon, finalement, ça te revient à 34 piastres. Finalement, t'es quasiment obligé d'acheter une lumière. T'es pas une lumière si tu fais pas ça, c'est ça. on a parlé la semaine passée d'un ballet de Harry Potter qui vibrait, qu'on vendait dans les magasins. Oui, c'était... qui avait été retiré, surtout, hein? Retiré, c'est ça. Parce que les gens les vendaient dans des magasins pour adultes. ici, c'est un ballet en forme de bâton pour le hockey. Okay. Tu sais que balayer, c'est plate en maudit. Mais si t'es un joueur d'hockey pis t'as un bâton d'hockey dans les mains, ça va être tellement plus le fun! Passe-moi à pas que m'en compter des buts, c'est ça. Donc, le designer Michael Bellino a inventé le hockey stick broom. Donc, qui vient chatouiller votre imagination en tant que sportif. Chaque balai a, bien sûr, une tête normale, standard. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un bâton de hockey qui a été utilisé pour faire le dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas la courbe en bas, parce que ce qui rend un bâton de hockey caractéristique, c'est pas mal c'est sa courbe. C'est vraiment la courbe, ouais, c'est vrai. Et ici, t'as juste le bout qui est droit. Donc, en tant que tel, bon, oui, ça a la forme, ça a la forme plate d'un bâton de hockey, et non pas la forme ronde d'un bâton de balai. Mais en tant que tel, ça change pas grand-chose. Peut-être que ça, c'est mieux. 34$ pour le hockey stick... Non, pardon. 38$. Pour 34$, t'as le hockey stick Snowbrush, une brosse à neige faite avec un bâton de hockey. OK. Donc, dépendant de la saison, quoique le balai, ça se passe à l'année longue. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, les bâtons sont repurposed, donc recyclés de couleurs et de marques qui vont varier dépendant de l'heure de votre achat. On parle souvent de spa, de sauna. Oui, de piscine gonflable, bien souvent. Ouais. De hamac aussi, c'est pas mal les choses qu'on touche souvent. Donc ici, c'est une façon de vous tremper dans un spa. Peu importe la température à l'extérieur, c'est assez grand pour accommoder deux personnes et c'est brûlé au bois en tant que tel. Donc vous avez vraiment un compartiment pour mettre le bois et c'est le bois qui va lui-même faire la chaleur dans votre spa. Ah, c'est cool! Donc c'est le système de sauna. Le système d'un sauna. Ah, c'est ça le système d'un sauna? Ben, un sauna, c'est pas comme quelque chose qui brûle, ça fait comme de la vapeur, là. Ben, c'est des roches, c'est du charbon. Ouais, ça ressemble un peu au système du sauna, mais avec un spa. C'est ça, parce qu'un spa en tant que tel, c'est supposé être juste. Électrique. Électrique, ça chauffe en tant que tel. Donc, moi, c'est comme un mélange des deux, c'est vraiment une bonne idée. Ça coûte quand même 4 000$. Ouais, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est luxueux. Hein? Et dans vous pouvez juste rentrer deux. Ouais. Oui, juste deux. Tu peux pas te faire un party à 6 là-dedans. Non. Ben, si t'alternes. Oui, puis l'autre personne est attitrée au bois. Au bois. Au chauffage. Chacun son tour. T'as le temps d'aller trouler dans la neige avant de retourner dans le spa. C'est ça. Ouais, t'as le temps d'aller faire ton chiffre de 3 heures pour aller soutenir une personne en train de mourir, comme dans cette fête tantôt. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que il semble. Parce que nous, on a des photos, en fait, si jamais vous voulez voir, vous pouvez aller sur assemblagereiki.com. Non, mais vous pouvez aller suivre sur assemblagereiki.com, c'est ça que je voulais dire. Okay. Mais si vous regardez bien les photos, il y a comme une petite trappe pour mettre le bois et le faire chauffer. Donc, si en théorie il neige, vous pouvez pas l'utiliser. Parce que la trappe peut pas être ouverte. Mais je me demande si la trappe, tu peux pas mettre quelque chose par-dessus comme un auvent, mettons, qui ferait comme glisser la neige sur le côté. Ah, t'as pas pensé à ça. Non, j'avais pas pensé à ça. Ensuite, tiens, justement, j'ai placé ces articles-là dans le même coin pour qu'on se sente approprié dans la thématique. C'est les hamacs. C'est un hamac qui est aussi un spa portatif. Bon. Hein? Donc, se balancer dans un hamac, c'est toujours bien confortable, mais t'aimerais aussi pouvoir te tremper le derrière dans de l'eau chaude. Maintenant, tu peux faire les deux avec le Hydro Hamac. C'est un hamac super portatif, super relaxant. Pour deux personnes, ça a été créé à partir d'un canevas de qualité marine ultra high tensile. Donc, c'est qualité marine, comme j'imagine la marine américaine, comme dans les Marines, j'imagine. Il y en a qui l'utilisent pour se laver, selon les photos qu'il y a sur le site internet. On peut le remplir d'eau de l'océan, de l'eau n'importe quelle eau. Et ensuite, on peut chauffer ça en utilisant un système de chauffage d'eau qui est optionnel. Donc, on peut l'acheter à part. Le seul inconvénient, c'est que comme n'importe quel hamac, oui, c'est difficile d'entrer dedans sans que l'eau tombe. Ah, c'est sûr, c'est vrai. Voilà. Mais maudit que c'est le fun. Puis par question, comme ça, combien qu'ils vendent ça? Ah ben, Colin, toi, t'es tellement sur ton argent qu'il faut que tu checkes. Non, ça va pas. Pour un hamac avec de l'eau dedans, peut-être. 360$, ouais. Ah, c'est quand même pas si pire. Je croyais que ça pourrait peut-être être plus dispendieux que ça. Mais le chauffe-eau est à part. Ah, c'est ça l'affaire. Ah, ouais. Ouais. Et le chauffe-eau coûte 10 000$, non, c'est vrai. C'est pas écrit. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas le lien vers le chauffe-eau. Quand c'est pas écrit, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, tu peux l'avoir en noir avec un contour noir et vert, noir, bleu et noir, oui, bourgogne et noir, un genre de vert et noir ou encore un genre de beige et noir. Je vais aller voir dans le store où est leur chauffe-eau. Allez, petit site web. Featured articles. Calais, c'est mal fait leur affaire. Je trouve même pas le lien. Ah, si. Deluxe Package, oui. Haha. Donc, le total au complet, là, le Deluxe Hydro Hamac Package vaut 1580. Donc, si tu comptes que le hamac vaut en tant que tel 360, c'est à peu près 1000$ et plus pour le chauffe-eau. C'est là-dessus qu'il tombe. Hein? Faut que tu fasses bouillir ton eau à l'avance, c'est pas le fun. C'est vrai. Ensuite, ça j'aime vraiment ça, c'est des cartes à jouer avec des dessins de Mario dessus. Hein? Pour changer votre soirée poker en une soirée un petit peu plus geeky. Et changer vos cartes pour ces Super Mario Playing Cards, Retro Super Mario Playing Cards. Chaque carte vient avec un décor coloré et nostalgique, pixelisé. du célèbre jeu Super Mario Brothers 1 pour 12$ environ américain pour le paquet au complet. Les cartes, mettons, avec un personnage comme roi, reine, etc. Ben, t'as Mario, t'as Luigi séparés en deux, que tu vois à l'envers et à l'endroit, etc. Et l'as, c'est une image de Mario qui court. Super cute. Ensuite, c'est un manteau avec air climatisé intégré. Ça s'appelle le Kuchofuku Nadales. C'est donc un manteau pour la pluie. En fait, nous, pendant qu'on anime l'émission le mardi, la température n'arrêtait pas de changer. Il faisait, c'était mouillé tantôt, il faisait super soleil, là, ça redescend. Fait que je pense qu'avoir un manteau qui est imperméable et en plus air climatisé, ça serait super. T'as le meilleur des deux pour l'été. Donc, c'est un air climatisé intégré qui vous garde au frais et au sec lors des jours où il fait chaud. Et même lorsqu'il fait un petit peu plus frisquet avec de la pluie qui tombe partout. Donc, c'est un manteau d'extérieur, bien sûr, fait avec un matériau imperméable. Et il y a deux ventilateurs dans le dos pour te refroidir et pour éviter de faire une crise de chaleur. Il y a même des bandes réfléchissantes pour que ce soit plus facile à voir dans les conditions de faible visibilité. Une très bonne solution pour ceux qui travaillent dehors l'été. Exactement, c'est ça que je m'allais dire, parce que ça a l'air d'être des gens qui travaillent comme exemple dans la construction pis tout ça, là. Ils l'ont mis orange, c'est pas pour rien. T'as moi, je trouve ça drôle parce que ça me fait vraiment penser au manteau de Marty dans Back to the Future. Marty McFly, absolument. Mm-hmm. Absolument. À beau avoir 17 ans, elle connaît ses classiques tarifs. Ben oui, exactement, on l'a bien éduqué. C'est ça. Ensuite, Tania, t'as parlé souvent de d'écran solaire, de SPF, FPS, oui. Peu importe. 50-60. Dans ce cas-ci, pour ceux qui ont de la misère à se mettre de la crème partout, c'est long, se mettre de la crème, faut que tu le frottes partout, faut que tu mettes du spray. C'est un roll-on applicator pour ton écran solaire. Ah, mon Dieu! Jamais été plus facile de te protéger des rayons du soleil qu'avec ce roll-on sunscreen applicator. Un appareil compact qui peut facilement être rempli, ça vient avec un rouleau sur le dessus pour pouvoir appliquer la crème sans même se salir les mains. Tout ça pour 22 bioux. Ça dit pas si ça vient avec de la crème solaire dès le départ. On va aller voir. Je sais pas, hein? On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Moins de dégâts, oui, ça va. Portatif, dure longtemps, multifonction, facile. D'après moi, il n'y a pas le liquide dedans. Sinon, il aurait dit viens avec. C'est ça, viens avec, exactement. C'est ça. Ils savent ce qu'ils font, hein, sur Amazon. Tiens, regarde-moi ça. T'as deux formats. T'as le Block Rock Bottle Rock It. Donc, okay. Ça, c'est un bouchon roll-on que tu mets sur une bouteille sur de ta propre bouteille. T'achètes ta bouteille, tu mets le bouchon, ok? Et t'as le modèle Block Rock Refillable qui lui vient. Pardon. Lui vient avec une bouteille, mais la bouteille est vide et tu mets ton propre produit dedans. Mm. Moi, je pense que je prendrais la bouteille remplissable parce que si ton bouchon ne fit pas avec, t'es mal pris. Ça, c'est sûr. T'es obligé d'acheter la bouteille qui fit avec ton roll-on. C'est vrai. Mais bon. Un check. Mais tu passes ton temps à la remplir. Oui, mais ça, en tant que si t'as pas mis l'autre bouteille avec toi, il faut que t'as rempli, c'est un petit peu pogné. Achetez les deux, parce que la bouteille remplissable est à 22$ américains et le bouchon est à 15$. Ensuite, on a le meme qui backup votre téléphone à chaque fois que vous le chargez. Oh! Tu sais, nos téléphones ont toutes nos informations dedans, calendrier, liste de contacts, messages, photos et plus. Mm-hmm. Moi, j'ai iCloud avec mon iPhone. T'as aussi, oui, iCloud. Moi aussi. Certains gens ont d'autres logiciels avec Google, j'imagine. Android pour, aussi. Ouais, Android pour mettre ça dans le nuage aussi. Mais c'est toujours bon d'avoir un vrai backup de une vraie copie de votre appareil si jamais vous voulez restaurer plus rapidement que de devoir tout retélécharger, vos photos, tout reprendre. Le backup, quand il est fait au complet sur ton ordinateur, c'est beaucoup plus facile de récupérer. Bref, c'est ça l'idée. Un backup en plus, c'est bien, mais deux backups, c'est mieux. Donc tu peux avoir le backup dans le nuage et le backup sur ton ordi. Ce qui est difficile, c'est de se rappeler tout le temps, bon, de brancher dans ton ordinateur, de faire, bon, etc., toutes les étapes que tu as à faire, ouvrir iTunes, faire backup, blablabla. Donc ici, Meme, c'est un câble de chargement avec appareil électronique à l'intérieur qui va automatiquement faire les sauvegardes de ton téléphone aussitôt que tu recharges ton téléphone. Le câble va aussi te permettre de copier ces éléments-là sur un autre appareil. Meme est disponible pour précommander sur Android en format de 16 Go à 50$ et sur iPhone un format de 32 Go pour 70$. Ce qu'on comprend ici, c'est que ça fait un backup dans l'appareil. Tu comprends? Donc le fil a une mémoire intégrée. Et quand tu recharges ton téléphone dans le mur, ça fait un backup dans la boîte qui est sur ton fil. C'est vraiment super pratique. C'est sur mememory.com, M-E-E-M-memory.com. C'est assez geek, là. Je comprends que ça vous intéresse peut-être moins, vous deux, là. Ben non, mais c'est vraiment très intéressant parce que moi, sérieusement, le nuage, là. Ouais, tu le traces pas, hein? Non, ben pas en tout. Pas concret. On sait jamais où ce que c'est. C'est des airs, c'est transparent. C'est ça. C'est comme les MP3, hein? Ça vole partout. Puis ça a l'air que c'est facilement hackable. Ben facilement, je sais pas, mais c'est hackable. C'est ça. En tant que. en plus. Puis là, on n'est jamais sûr de comment enregistrer sur une cloud. C'est ça l'affaire. Mais moi, j'avoue qu'ils rentrent pas tout le temps ça le plus facile possible. T'sais. Mais t'es jamais certain non plus de qu'est-ce qui s'enregistre sur le iCloud. Tout à fait. De ce côté-là, c'est difficile. Et iCloud, on se rappelle que c'est comme 5 gigs. Donc, en tant que tel, moi, mon téléphone, je peux pas le backupper sur le iCloud tant que j'ai pas. Et là, je paye pour avoir 50 gigs, je paye une pièce et quelques par mois. C'est Apple. C'est Cloud, tu payes. C'est Apple. Ben, ouais, mais une pièce, c'est 29 donc, ouais. par mois. Mais quand même, moi je regarde ça là, mais tu peux avoir un iPhone, tu peux avoir le Mac. Si t'as pas le Mac pis t'as juste un PC, c'est vraiment dur de mettre ça sur le cloud. Oui. Moi, ben, faut que tu télécharges le cloud, puis là t'as un autre appareil, puis là ouais. finalement faut que tu cherches ton cloud partout. Sérieusement, ça doit me prendre 20 minutes à chaque fois que je veux enregistrer mon seul, fait que je le fais pas. C'est vrai que c'est moins facile, mais en tant que tel dans iTunes, il apparaît sur les deux. Ouais, iTunes, avec iTunes ça va. Et iCloud fonctionne quand même sur ton iPhone même si t'as pas de Mac. Oui. Donc sors-toi d'iCloud pour commencer. Ça va être. C'est bon. Ensuite, tiens, pour ceux qui aiment jouer aux échecs portatifs, je sais que les aigles sont bien fans des échecs. J'ai fait la même joke en onde pendant l'émission des aigles l'autre fois. Ah, pas vrai? Je sais pas si l'animateur l'a trouvé drôle. Je sais pas, hein. En tout cas. Tu dis à lui ou directement? Je dis en onde. Ah, ok. Il dit les aigles sont plus. On dirait plus qu'ils jouent aux échecs qu'au baseball. Malheureusement, c'est vrai. Donc, peut-être pourraient-ils jouer aux échecs dans leur autobus de tournée à l'endroit où ils s'en vont perdre leur prochain match? Et voilà, c'est dit. On sent que Mathieu est un fanatique de baseball. Tellement. Mais bref, ça pour dire que vous pouvez maintenant jouer à votre jeu de stratégie préféré avec un échec portatif, mais pas n'importe quel, parce qu'en fait, bon, un échec portatif, on l'a déjà vu ça, t'as les pions en plastique cheap dans un truc que tu fermes, le jeu d'échecs est fermé sur lui-même, c'est comme un livre, bon. Ici, c'est encore plus cool parce que chacun des morceaux d'échecs vient dans une planche de bois. Okay? Ouais. Et les planches de bois ont des petits des contours découpés. Donc, tu vas pouvoir mettre ta reine dans son petit découpage, le pion dans son petit découpage. C'est comme un casse-tête où tu viens puncher out, un peu comme des hosties. Oui, exactement. Tu viens puncher out tes morceaux quand c'est le temps de jouer. Et la planche en tant que telle d'échecs a des fentes pour mettre les pions et les morceaux. Donc, ça prend beaucoup moins de place. C'est super cool, tout à plat. Donc, ça crée un emballage très très portatif que vous pouvez mettre dans votre bagage pour évidemment étant donné que c'est en bois et que c'est fait probablement j'imagine peut-être à la machine mais quand même avec des matériaux de qualité. Ça coûte quand même 90$ américains, c'est quand même cher. Quand même. T'as vu qu'après ça l'emballage est comme en genre de toile et ouais. T'as comme une ficelle pour attacher, c'est tellement vintage. C'est vrai. On dirait un jeu qui vient des années genre 1900. Hein. C'est full hipster en effet, tu vas boire ta Pabst Blue Ribbon en regardant ça. Ensuite, ça là. C'est un des gadgets. Sérieusement, c'est pas un gadget, premièrement, parce qu'il n'y a pas de puce dedans. Là. La chronique, c'est une chronique de gadget, mais ça, c'est une affaire comme que tu vas acheter à la maison et tu vas triper pour toujours. Ça a l'air vraiment pratique. C'est vraiment hot. C'est des supports, des cintres, mais pour vos pantalons. Parce que, plus précisément que quasiment simplement pour les jeans. Quasiment simplement pour. Ben même les pantalons bien habillés non, ont c'est des. Vrai. Des pantalons bien habillés. Ouais. Donc pour ceux qui ont pas les photos devant eux, là, c'est un support avec au milieu un espèce de petit crochet pour accrocher les gants de ceinture sur tes pantalons. Parce que quand tu mets ton pantalon sur un support, oublie ça, ça se tiendra jamais. Moi j'ai mis sur des anciens supports à rideaux. Là. Donc je peux le plier sur le dedans, ouais. Ça va super bien. Mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus chic, c'est fait en bois. C'est super pratique. Aucunement conventionnel, aucunement. Moi je trouve que c'est original. Ça coûte 25$ pour un emballage de, attention, sur Kickstarter en ce moment, donc évidemment c'est pas garanti que vous allez les recevoir. Là. Donc faut contribuer à un certain montant. Si vous contribuez plus de. Ça t'a un petit peu. 10$, tu vas avoir un support. 20$ ou plus, ça c'est épuisé, mais t'en aurais eu 3. Ensuite, ça monte à 25$ pour en avoir 3 aussi. Donc, il y a plusieurs paliers sur Kickstarter. Ils sont rendus à 72 000 sur 20 000 demandés. Il reste encore 10 jours, ça va certainement se rendre. C'est déjà rendu. Mais d'après moi, ça va être assez populaire. Ouais, c'est sûr. Ça va se vendre chez IKEA là, sur le demain. Ouais, peut-être, mais j'espère qu'ils ont fait leur travail pour avoir le brevet sur l'idée. Ah, j'espère. Parce qu'une fois que c'est sur Kickstarter, c'est pas mal public, hein? Ouais. Ça s'appelle le Jean Hanger, donc Jean comme des jeans et Hanger comme H-A-N-G-E-R. Ensuite, ça aussi je trouve ça cool. Tu sais, j'avoue que je choisis des gadgets qui m'intéressent pas mal moi-même. C'est des écouteurs qui sont. Tu sais, des fois tu te demandes est-ce que j'aurais m'acheter des écouteurs qui vont par-dessus les oreilles ou dans les oreilles. Parce que dans les oreilles, le son des fois va être un petit peu plus dedans ta tête. Tu vas le trouver meilleur. Sur les oreilles, c'est plus confortable par moment. Donc ici, ils ont comme combiné les deux. Mais je me demande s'ils n'ont pas aussi combiné les deux inconvénients des deux. Oui, genre, exactement. Je pense. Genre, ça doit te faire mal à l'intérieur de l'oreille après un certain point. Et à l'extérieur parce que c'est trop serré des fois. Oui. Donc, ça s'appelle les Noura In-Ear and Over-Ear Headphones, qui intègrent la technologie du Soundwave pour automatiquement mesurer ton ouïe et adapter ta musique à ton ouïe. Ce qui va te donner le meilleur son possible, disent-ils. Ça coûte 250$ pour savoir s'ils disent vrai. C'est aussi un projet Kickstarter. Ils se sont rendus... ils ont sextuplé leur but. Ils sont rendus à 620 000 sur 100 000. Il reste encore 37 jours. Ça va extrêmement bien. Donc, les Noura, N-U-R-A, des écouteurs qui apprennent et s'adaptent à votre oui particulière. Ben quand même, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire comme idée, mais j'ai vraiment l'impression que si, par exemple... Après un certain moment, là, tu dois vouloir enlever les écouteurs, point. Oui, clairement. C'est sûr. Et là, tes enlèves, ça fait comme... Oui, puis tu dois avoir de la difficulté à pouvoir rentrer les petits écouteurs qui te rentrent dans les oreilles avant de mettre les gros écouteurs. Oui, puis comment tu fais pour les... parce que j'imagine que les écouteurs que tu mets dans tes oreilles... Les laver. Ouais. Faut aussi que tu les presses des fois pour les rentrer puis qu'ils prennent l'expansion. Ici, ils ont l'air d'être plus en silicone, en tout cas. On va voir si le projet... à terme. Oui, et ils en ont parlé dans tous les grands médias, là, donc ils ont plein de bons commentaires en ce moment. Allez voir une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com et je vais me permettre de faire mon commentaire de mon oncle. La fille, j'enlèverai ses écouteurs n'importe quoi. Hein? Ensuite, mon commentaire de je mon oncle. Ça, je jour. On va rester dans le même domaine, les oreilles. Oui. C'est des écouteurs bouchons, mais pas juste des bouchons normaux comme des écouteurs bouchons, mais des bouchons comme dans des bouchons qu'on se met les oreilles pour empêcher le son d'entrée, tu comprends? OK. Et c'est des écouteurs Bluetooth. Hein? Donc, c'est pour avoir la protection de tes oreilles, de, mettons, à un concert ou sur un chantier de construction, peu importe, tu aurais du son qui viendrait te déranger. Mais en plus, c'est des écouteurs, donc tu peux entendre ta musique. Ah ben oui. Hein? Finalement, il n'y a jamais personne qui te dérange quand tu écoutes ta musique. Jamais. Et si quelqu'un a l'air de te déranger, tu fais comme je t'entends pas. Excuse, je t'entends pas. C'est le matin. Et c'est Bluetooth, donc sans fil de ton téléphone ou peu importe. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Tu de la musique, ça job, ça paraît pas. Non, c'est ça. Ben évidemment, quand on dit sans fil en 2016, je pense qu'en 2017, on va pouvoir dire sans fil comme danger juste des bouchons dans les oreilles pis c'est tout. Ouais. Mais en 2016, c'est encore, il y a un fil qui vient pas entre les deux. Ouais. Ce qui est le fun pour pas perdre tes écouteurs, mais qui en tant que tel fait que c'est comme sans fil, mais pas tant. Au moins, tu t'en fâches pas dans ton fil quand tu zigales après ton zipper de manteau. Je trouve que le petit fil, je suis prêt à l'accepter. Ouais. Ça me donne une meilleure qualité sonore et que le son est synchronisé entre les deux écouteurs. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Ça doit être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un fil. Ben, c'est ça. Il y en a déjà des écouteurs qui sont sans fil du tout, mais ça n'a pas l'air tout à fait fiable. Tu perds le signal Bluetooth des fois. Moi, je trouve principalement que le Bluetooth n'est pas encore rendu là. Non. Selon les critiques que j'en ai lues, c'est pas encore rendu là. Mais quand même, 75$ pour cette paire de Bluetooth Earplug Headphones. C'est un Indiegogo, donc eux aussi ramassent de l'argent sur Internet. Ils ont réussi à se rendre à 21% de leur total. Ils ont ramassé 450 000 bilous. Ça va très bien pour les Plugphones, P-L-U-G-F-O-N-E-S. Il nous reste encore quelques petits gadgets, on va essayer de finir ça rapide. Celui-là, c'est quand même assez simple. C'est une pochette pour votre monnaie. Ben ouais. Mais c'est vraiment particulier, parce que je me demandais comment ça faisait, OK? Je vous l'explique dans la petite vidéo, là. C'est une pochette de papier, OK? La Magic Coin Pouch, tu mets ta monnaie dedans, tu donnes un coup à ta pochette dans les airs et ça va venir barrer ton argent dedans. Et là, tu mets ça dans ta poche. Et dans ta poche, la petite poche de monnaie. Là. OK. Et quand tu es prêt à sortir, tu ressors ça, tu claques une claque et ça fait que ton argent peut être versé. Là, je me suis demandé, mais comment? Descendez sur la page un petit peu dans les explications. Moi, ça ne veut pas descendre. Là. C'est un petit peu campagne. Cliquez sur campagne et descendez. Et ça va vous montrer qu'il y a comme une petite fente cousue dedans. Oui. Et la couture fait que ça emprisonne l'argent. C'est très très bien fait. Et c'est disponible en plusieurs sortes de papier. C'est super résistant. Ils l'ont aussi en portefeuille. Donc tu peux avoir l'ensemble portefeuille et Magic Coin Pouch en combo. Et ils ont ramassé évidemment assez d'argent. Ils sont rendus à 140 000 sur 10 000. Donc 14 fois plus. Il reste encore 69 heures. Donc ça va finir bientôt. Et pour vrai, je trouve que c'est en effet magique. Et Mathieu, ils mettent ça dans la petite poche des jeans. Oui, c'est ça, j'ai de la petite poche de monnaie. La toute petite poche. C'est ma poche préférée. Elle sert à quelque chose, cette poche-là? Ben, c'est à ça qu'elle sert, en fait. On a découvert ça, là, pas très très longtemps. Oui, absolument, oui. C'est une poche pour mettre de la monnaie, je pense. Oui. Bref, allez voir ça. C'est sur le site paperwallet.com. J'adore ça. Pour vrai, tout ce qui est en papier, même des sacs à dos en genre de papier. C'est comme un papier ciré un peu. C'est vraiment cool. Allez voir ça. Magic Coin Patch. Ensuite... ça s'appelle le gnocchi, un petit peu comme les gnocchi, c'est comment, c'est italien, non? Des pâtes aux patates italiennes. Wow! À 17 ans, non? Ouais. Pâtes aux patates italiennes, à la sortie de même. Bah, elle aime la cuisine. Bon. Donc, des gnocchis, hein? Oui. Est-ce que tu prononces ça comme ça? Des gnocchis. Gnocchis. Je l'ai dit comme fou en plus. Donc, ça s'appelle le gnocchi ici. C'est un jeu de mots. K-N-O-C-K-I, comme dans cogner sur quelque chose. Donc, tu vas pouvoir taper deux fois, mettons, sur la table. Et ça va faire monter ou descendre les stars, mettons. Okay. Tu pourrais peut-être faire une tape sur ta table à café pour commencer à faire du café. Hein, dans ton lit, mettons, tu tapes sur la table et ça te fait un café dans ta cuisine. Tu pourrais encore cogner sur ta bibliothèque pour ouvrir une porte cachée. Des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Tu peux programmer ton Nokia pour faire ce que tu veux. C'est des disques qu'on peut monter sur une table ou n'importe où avec du collant 3M. Tu sais que c'est ce qui colle le plus, le 3M. Oui. Ou encore en utilisant des vis. Ça va changer n'importe quelle surface à laquelle c'est fixé en une gigantesque télécommande. Ce qui va faire activer donc des actions programmables avec des tapes ou des cognages pour à peu près n'importe quoi. Ça va fonctionner pendant 12 mois sur un seul couple de batterie 3A. Ça fonctionne avec plusieurs appareils de domotique, donc de maisons intelligentes comme Nest, Lifx et Wemo. Et ça peut être caché sous des surfaces, tout en détectant quand même le cognage. Donc ça pourrait être en dessous de la table. Ça, c'est quand même très, très intelligent. C'est génial. C'est sur Kickstarter, ça aussi. Et ça coûte 60$. Donc présentement, ils sont rendus à 745 000 sur 35 000$. Encore une fois, un énorme succès. 24 jours restants, ça s'appelle le Nokia K-N-O-C-K-I. Quand est-ce que j'arrête avec ça? Parce que là, le prochain est trop cool aussi. C'est une fan de plafond intelligente. OK. Qui fonctionne sur Wi-Fi. Donc, c'est une fan qui s'appelle... attends un peu. Est-ce que c'est... Aiku. Ouais, je sais, est-ce que c'est Every? Non, c'est Aiku, OK. Aiku Home L Series. 52 pouces, indoor-outdoor, Wi-Fi-enabled, wide-ceiling fan with LED light, works with Alexa sur Exactement. Amazon. Donc, le Aiku, qu'on va l'appeler. Modèle super, genre tendance... récent, ça fait comme futuriste, comme un genre de plastique noir de jet. C'est Energy Star avec la certification. Et ça se connecte à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez maintenant de contrôler la fan par une application mobile ou même par votre voix en utilisant le produit Amazon Echo ou encore avec la télécommande qui est incluse. Il y a des lumières LED qui vont aussi se mettre sur 16 luminosités différentes pour servir de lumière. Et c'est contrôlable aussi par votre application. 475$ sur Amazon. Quand même cool. Mm-hmm. Ouais, vraiment. Maintenant que tout est connecté, pourquoi pas ta fan aussi? Voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas là. On continuera ça la semaine prochaine, toujours avec autant de gadgets et aussi peu d'argent. Oui, hein? Toujours. On était rendu à retourner en musique. Tania, je pense que c'était une pièce de Ariel, exactement. C'est comme toi qui était au 16e, si je ne m'abuse, rendu top francophone. C'était Assemblage requis au 89 FM, c'est fou! Ariel, Ariel, avec la pièce Comme toi, Assemblage requis. Au retour de la pause, enfin, Tania is gonna entertain us. Us. Mais ya. Ya. Ya. Da. Da. Assemblage requis aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage Rocky pour la semaine du 6 juin 2016 avec Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Et toujours avec notre invité spécial Marianne Baudin. Salut. Salut. Donc, Marianne, Tania. Oui. Tania Marianne. Oui. Oui. C'est ta cousine. Oui. C'est bien le cas. C'est le moment de se faire divertir par Tania. Je sais pas si Marianne va nous divertir elle aussi dans la chronique. Je sais pas, ça reste à voir. Peut-être qu'elle aura une cousine à la place d'avoir une chronique sœur ou une citation sœur. On aura une chronique cousine. Plus tard, on verra. Donc, voici Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Tania! Oui! Baudin, c'est bien mon nom! Bonjour! Baudin. Hey, bonjour, ça va bien? Ne pas confondre Baudin et Baudin, c'est facile de non, faire en effet, parce qu'elle, c'est Baudin et moi, c'est Baudin. Mais es-tu sérieux? Oui, ouais. Es-tu sérieux? C'est la même famille. C'est ta cousine? Ah, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, j'avoue que là, je suis confus complètement. Ben, son père, c'est un Baudin et sa mère, c'est une Baudin. Puis ils ont décidé de se marier et d'avoir un enfant, fait que ça fait ça. Mais ça, elle n'entendait pas de t'appeler Jean Baudin? Ça aurait été un peu bizarre. Baudin. Boudin-din. En plus, au début, vous voulez m'appeler Elisabeth. Ça aurait été encore pire. Elisabeth Boudin-din. Elisabeth Boudin. Hey, ça serait parfait, ça. Ça aurait été le meilleur nom du monde. Baudin. Moi, je serais préparée avec ce nom-là. Je suis bien contente de m'appeler Marianne Baudin. Baudin. Ça l'a été dit. Elle a déjà oublié son propre nom. Ça va très bien. Donc, Tania, de quoi on parle aujourd'hui? Je voulais parler un petit peu plus tôt dans l'émission que j'allais vous parler de motivation pour le gym ou encore les règles d'or du gym. Finalement, j'allais vous parler de gym. Au courant de la fin de semaine, je me suis dit que je pourrais parler du respect parce que ça semble être quelque chose qui disparaît durant la génération. Raconte! Mais... Tu peux pas juste dire ça. Bah, ouais, non. Je peux juste dire ça. Tu peux pas. Mais finalement, j'ai décidé de parler de gym. Ben oui, j'ai décidé de faire ça. Mais c'est ce que de faire une recherche sur le respect, c'est quand même assez long. Non, mais raconte-nous l'anecdote au moins. C'est beaucoup trop long, Mathieu. Marianne, peux-tu nous compter ça en trois phrases? Non, non, vraiment pas. C'est vraiment très long. Mais c'est quoi, vous foutez de notre public? Non, mais tu trouves pas, toi, que la génération d'aujourd'hui, finalement, le respect, c'est comme quelque chose qui est laissé à la légère? Tout à fait. Je suis d'accord. C'est juste ça. C'est juste une constatation de... C'est ça. Comme on disait, R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Exactement. R-E-S-P-E-C-T, take it, take it, take it. Alors, finalement, j'ai décidé de parler de gym. Oui. parce que ça m'arrive parfois de faire des chroniques quand même assez santé. Oui. Je vous ai déjà parlé de certains exercices qui étaient bons à faire durant l'été, durant l'hiver aussi, ou encore au bureau ou quoi que ce soit. Mais là, si vous êtes du genre à vous dire que vous êtes pas souvent en train de vous entraîner, mais que vous voulez commencer à aller au gym, c'est quoi qu'il faut savoir? Le premier pas à faire. Exactement. C'est quoi les premiers pas à faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la salle de gym? Alors, je suis tombée sur un article quand même assez intéressant qui donnait 14 choses à faire lorsque tu es appelé un couch potato en anglais, ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui bouge pas vraiment beaucoup et que tu décides finalement d'aller au gym. Mm-hmm. Alors, sachez que, premièrement, tout est dans l'allure. Si vous vous dites que vous voulez aller au gym, une des choses qui va vous motiver le plus, c'est de vous dire que vous êtes bien dans quelque chose. Qui aime aller au gym et ne pas être bien dans ses vêtements? Qu'est-ce que tu mets d'abord? Ben, quelque chose que t'aimes. C'est là, à ce moment-là, qu'il faut commencer à magasiner les vêtements de sport, que tu vas te sentir bien dedans. Tu sais, si tu vas au gym avec des souliers que, premièrement, t'aimes pas puis qui sont pas confortables, ben, c'est sûr que ton training, en quelque sorte, ben, oui, puis t'aimeras pas t'entraîner avec ça parce que ça va te faire mal. Ouais. Donc, on y va de ce côté-là avec l'allure. De quoi t'as l'air? Est-ce que t'aimes de quoi t'as l'air si t'es au gym? Là, on parle habillement, tout simplement. Pis surtout que là, tu sais, la grosse mode est aux couleurs flash là, sur nos vêtements. Ah, je sais pas. On peut avoir... T'as pas fini cette mode-là? Je pensais qu'elle était finie. Non, mais il y en a encore. Ben, surtout sur le linge de sport. Okay. Tu sais, mettons, le linge de sport, là, souvent, il va avoir des belles couleurs, des roses, des jaunes, des... No. Tu sais, tu peux même avoir jaune et noir, mais souvent, premièrement, les coupes, mm-hmm. tes vêtements, puis les couleurs. Fait que tu sais, souvent, tu peux aller chercher une couleur que t'aimes, fait que ça va te motiver. Oui, exactement. Ouais. C'est d'y aller avec des vêtements qui te motivent, toi, à aller au gym. Parce un petit noir fluo. Là. C'est ça. Parce que tout part de là. Deuxièmement, c'est d'être familier. Donc, c'est de commencer à te dire, oui, je vais aller au gym, mais avant de rentrer dans le gym, qu'est-ce que tu sais par rapport au gym? C'est là qu'il faut commencer à faire quelques recherches sur Internet. Exemple, on sait, il y a beaucoup de gens maintenant qui postent des vidéos d'entraînement sur YouTube ou quoi que ce soit. Si vous êtes du genre à vouloir vous informer avant d'aller au gym puis d'avoir l'air d'un épais ou de quelqu'un qui connaît pas ça du tout, bien faites vos recherches sur Internet, regardez des vidéos, regardez comment se font les entraînements, comment se font les exercices pour justement vous mieux vous sentir lorsque vous allez arriver au gym. Et pour mieux se sentir d'ailleurs, peut-être mettre du déo aussi. Oui, ouais. c'est... Il ouais. se... Le... Dans le... Bande. C'est ça. Alors, allez-y. Tout simplement. C'est vraiment une option. C'est ça. De toute façon, je pense que les gens autour de vous vont beaucoup plus vous apprécier si vous sentez meilleur. C'est marqué sur le tube de ne pas le... Tube ou peu importe. Oui, c'est ça. De ne pas s'en mettre ailleurs qu'en sous les bras. Exact. Mettez-vous en porte sur les pieds. Et puis une autre chose au gym, oubliez pas votre serviette. Oui. Oui, ben oui. Sanitaire aussi. Ben ouais. C'est sûr. Exactement. Pour rien oublier. Non. Bon. Alors, le troisième, en fait, que j'ai quand même trouvé très, très drôle dans l'article, c'est de pas faire de son. Le plus normalement possible et okay. Le plus souvent possible. Oubliez les grognements. Tu sais, des fois, là, on voit ça au gym. Il y a des gars là, qui, quand ils s'entraînent, là, ils veulent que tu saches que tu s'entraînes puis ils grognent. C'est pas plaisant pour personne non. autour, messieurs et c'est... mesdames. Pis c'est si louche. Êtes... C'est louche. Puis si vous êtes du genre à faire une série de 12 abs... De douche. De douche. De 12 abs, ben sachez que j'ai pas besoin de savoir que tu grognes pendant que tu fais tes abs pour que moi, pendant que je course mon tapis roulant, je me sente mieux. Le gars, il essaie d'être impressionné, fait que quand tu passes devant, c'est comme 1000. Exactement. Finalement, il est juste rendu à 3. C'est ça. Mais sachez, tu sais, laissez ça de côté. Ouais. On s'entend, vous pouvez respirer. Puis, bien évidemment, si vous allez au gym, vous allez respirer fort parce que vous allez avoir du cardio et tout ça. Mais les grognements, c'est non. On fait une grosse barre là-dessus. On évite à tout moment. Si vous respirez tout le temps en fort, amenez votre pompe à asthme. Oui, c'est ça. Si vous êtes asthmatique aussi, on peut pas juger, faites attention à ça. Là, t'sais, mais grognez pas pendant que vous l'apprenez. Ils sont tellement virés. Le quatrième point, c'est de savoir que c'est pas un concours. Tu sais, c'est sûr, si vous allez au gym, vous êtes pas habitué d'aller au gym, vous dites, je veux être en forme, sachez que vous le faites pour vous, pas pour les gens qui sont au gym puis qui vont être là à vous regarder ou à tout simplement vous apercevoir du coin de l'œil pendant que vous êtes en train de courir sur le tapis roulant. Vous le faites pour vous. Si vous allez au gym, oui, il va y avoir des gens qui vont être plus musclés que vous. Oui, il y a des gens qui vont courir pas mal plus longtemps puis pas mal plus rapidement que vous sur le tapis roulant. Il y a des gens qui vont faire des poids et haltères pas mal plus lourds que vous, mais c'est pas un concours. Et c'est là bien souvent que c'est difficile pour certaines personnes d'aller au gym parce qu'ils veulent tout le temps se comparer à quelqu'un. Déjà, juste en débutant. Donc, sachez que vous le faites pour vous et c'est vraiment pas un endroit pour vous comparer parce que automatiquement après votre première séance, vous allez sortir, vous allez plus jamais vouloir venir. Tu sais, il y a des gens dans le gym qui passent leur journée là et que ça fait des années qu'ils sont là à passer leur journée là. Donc, si vous commencez... Exactement. Si vous commencez, allez-y avec une petite modération de votre propre... Mais c'est quoi les raisons de s'entraîner dans un gym à part l'équipement, mettons? Bien, souvent, tu vas avoir un coach qui va tout simplement te donner un planning de ce que tu peux faire. Tu vas avoir de l'aide comme ça. Te faire spotter aussi. sur les poids, je oui, parle. Oui, oui, exactement. Pas te faire regarder, voyons. Bien, tu peux te faire regarder, puis c'est dans mes prochains points, mais il faut savoir que c'est souvent juste pour ça. C'est pour l'aide qu'il va y avoir autour et souvent pour les machines. Ouais. Parce que oui, tu peux faire ton entraînement chez toi. Et oui, il y a de plus en plus de vidéos justement d'entraînement qui vont t'aider à le faire chez toi avec... Même proche du pont à Trois-Rivières avec les équipements qu'il y a à l'extérieur aussi. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire, mais si vous êtes du genre à vous dire « si je le fais chez moi, je le ferai jamais, je dois aller au gym pour le faire », bien de ce côté-là, c'est des petits trucs comme ça qui font en sorte que votre séance d'entraînement au gym va être pas mal plus le fun que si vous prenez pas ça en considération, mettons. Le point numéro 5, c'est justement l'observation. Mais là... La meilleure façon de vraiment vous familiariser avec le gym, c'est d'observer comment les gens est-ce qu'ils utilisent les machines. Si vous avez fait vos recherches, vous savez un petit peu quelles sont les machines, quel exercice vous voulez faire, quel type de planning d'entraînement vous voulez faire, sachez que oui, à un certain moment, les machines vont différer d'un gym à l'autre. Hein. Donc... Gardez quand même une distance là, en observant les gens. Là. Allez pas vous spotter à côté pendant toute leur routine d'entraînement à la machine pour voir comment est-ce qu'ils font fonctionner la machine. Mais sachez que l'observation, c'est un des points au gym que vous devez quand même mettre de l'avant. Vous devez, surtout dans les premiers temps, savoir comment utiliser les machines. Et tu sais, au gym, c'est rare qu'on veut parler à d'autres mondes. On est là vraiment pour nous. Donc, de rester loin, de regarder comment il fait son exercice avec la machine et de le mettre dans votre peau par la suite. T'sais, de vraiment vous le familiariser par après. C'est une des meilleures façons d'apprendre comment va fonctionner le gym et les machines dans le gym. Sinon, t'as l'air un peu fou. Ben oui, puis tu sais, on le sait, il y a des vidéos sur YouTube des gens qui savent pas vraiment comment fonctionnent les machines. Vous voulez pas vous rendre là, vous voulez pas vous rendre dans ces fameux petites vidéos-là, alors vous voulez pas être le Mr. Bean du gym. C'est ça, exactement. Vous voulez la nouvelle personnalité ça. Publique de Facebook, là. C'est ça. Donc, le point numéro 6, c'est éviter le contact visuel avec les gens. Tu sais, je vous disais, observer de loin, mais... C'est comme une éclipse, on regarde... De travail. Essayez d'éviter ça parce que, oui, vous aimez pas vous faire regarder, mais l'autre personne non plus. Et bien souvent, le gym est rempli de miroirs. Ouais. Mais ce qui est... C'est parfait pour les douches, d'ailleurs. Ben, oui, c'est parfait pour les douches, mais c'est surtout parfait pour savoir si vous faites bien vos exercices, d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs pourquoi il y a plein de miroirs dans les gyms. Ça n'a pas été inventé pour les douches, quand même. C'est ça. Mais la question de eye contact au travers du miroir avec une personne, là, de staring, une personne, tu sais, de beaucoup trop observer. C'est power staring, comme j'appelle c'est plus ça, longtemps. Exactement. Ouais. Oubliez ça. Okay. Wow. Si vous êtes du genre à commencer à aller au gym ou vous dites « je vais aller au gym pour rencontrer l'homme de ma vie », ben, évitez ça, là. Faites semblant que c'est un miroir à deux parois, là, comme dans les salles d'interrogatoire. Oui. Comme si c'est un enquêteur de l'autre bord qui exactement. Regarde. Regardez-vous. Oui. Tu sais, au pire, là, oui, vous faites regarder un petit peu, pas plus que 5 secondes, s'il vous plaît. C'est ça que les gens qui vont au gym n'aiment pas. Le regard c'est soutenu, oui. Exactement. Mmh. C'est de se faire observer pendant tellement longtemps. Y a-tu quelque chose de plus... C'est pas le fun, tu sais, que c'est de creep. C'est ça. Ouais. C'est creep, puis tout tu sues, t'es dégueulasse, tu te dis qu'est-ce qu'il me veut. Alors, c'est ça. Et le gars est attiré par ça. C'est tellement beau. Le point numéro 7 qui peut vous aider beaucoup, c'est d'amener des écouteurs. Oh. Tu sais, la musique, tout ça, là, les écouteurs, premièrement, oui, si vous écoutez de la musique, ça va vraiment vous donner de l'énergie de plus. Parfois, il va y avoir des excellentes playlists qui vont vous pousser au-delà de vos performances. Personnel comme jamais, mais c'est surtout que ça va vous rentrer dans une bulle. Les gens vont automatiquement penser « Ok, je vais pas aller lui parler, elle a des écouteurs, donc elle écoute de la musique. » Ah oui, j'ai déjà écoute vécu de la ça, pour vrai. Des fois, à un moment donné, j'avais comme osé approcher une fille, genre en y parlant un petit peu, ça. Puis genre, elle fait comme « Non, j'ai ma musique. » Exactement. Ça passe, ça marche tout le temps. Personne peut te parler. Et voilà. Puis, ce qu'on déteste aussi au gym, tu sais, quand tu vas au gym, c'est parce que tu veux faire ton planning en tant de temps. Tu veux pas commencer à converser avec tout le monde au gym. C'est pas ça le but d'aller au gym en temps normal. Donc, si vous amenez vos écouteurs, déjà, comme je l'ai dit, ça va montrer aux gens que vous écoutez votre propre musique, mais vous allez vous rendre compte que votre entraînement, vous allez être beaucoup plus assidu parce que vous voulez pas conserver converser avec personne autre. Là, je suis quand même un petit peu partagé là-dedans parce que là, tu sais, on dit tout le temps, bon, va pas dans un bar rencontrer quelqu'un, va à un endroit où tu veux rencontrer quelqu'un. Mettons, va à l'endroit où tu veux rencontrer les gens du genre que tu veux rencontrer. T'sais. Fait que si, mettons, tu veux rencontrer à une bibliothèque ou à une librairie ou dans un café, tu vas pouvoir approcher quelqu'un. Maintenant, au gym, c'est interdit. C'est parce qu'au gym, tu vas là pour t'entraîner. Puis à la bibliothèque, tu vas où quoi? Là pour lire. Exactement. Oui. Mais au gym, souvent, en tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça. Quand je vais au gym, je vais, je dis let's go, je donne un coup, puis je me dis, mettons, je vais là une demi-heure. Ben, après ça, pendant que je m'entraîne, tout ce que j'imagine, c'est ma douche en revenant. C'est vrai. Exact. C'est souvent pas arrangé. Fait que t'es pas là pour. T'es pas là pour cruiser. Ouais. Tu dis, là, je suis dégueulasse, justement. J'ai pas le goût, genre, de trouver l'homme de ma vie ressemble à ça. Ah, mais je prémouillais. C'est un gag de. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que oui, tu vas rencontrer quelqu'un au gym, mais vous allez avoir le même planning, exemple de gym. Tu sais, vous allez commencer à la même heure, vous allez finir à la même heure. Fait que parfois, vous allez juste. Est-ce que c'est ton entraîneur que tu veux croiser? Non, ça veut pas dire, mais vous aviez peut-être le même entraîneur. Ah, par voilà. Exemple. Voilà. Aha. Voilà. Alors là, en sortant des douches, puis ça, il y en a beaucoup qui prennent leur douche au gym. Ben, vous avez déjà l'air un petit peu mieux. Ouais. Et quand vous allez sortir, peut-être que là, vous allez pouvoir converser. Ouais. Mais pendant le training, là, pendant l'entraînement, c'est pas là le moment pour pouvoir converser puis rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, messieurs. Oubliez les conversations au gym. C'est noté. Voilà. Prenez des notes. Le point numéro 8, c'est d'utiliser la méthode de pointer pour se renseigner. Là, je viens de vous dire... C'est mal poli, d'habitude. Mais non, attends. Je viens de vous dire que tout le monde a des écouteurs. Ouais. Personne ne veut parler avec personne. Non. Alors, si vous voulez savoir si quelqu'un a terminé avec une machine, bien souvent au gym, une des choses et une des règles d'or que l'on doit appliquer, c'est de simplement pointer la machine et automatiquement, l'autre personne va comprendre est-ce t'es que tu as terminé. Ah, OK, que tu as terminé. Oui, as-tu fini de la machine? Ah. Tu fais juste pointer la machine et faire un signe de tête. Ah ouais. As-tu terminé? Déjà, ça arrête les... C'est garçon! Ça. Hey, chef! Garçon! T'as-tu fini? L'addition! Pas besoin d'y demander et bien souvent, ben, ça va être beaucoup moins pressant que d'y demander « Excuse, t'as-tu fini? » Ouais. Parce que... Yo, bro! C'est ça. T'as-tu fini, bro? Exactement. Ouais. Alors, on utilise cette méthode-là de pointer pour se renseigner. Et même chose pour les poids et haltères, hein? Tu sais... Parfois, on va aller dans la section des poids et haltères et les poids que nous, on veut utiliser, ben, sont présentement dans les bras de quelqu'un. Ouais, je trouve ça quand même... Ça, pour les poids et haltères, bien souvent, on va comprendre que la personne l'utilise encore. Mais parfois, il y a des gens qui vont être sur la machine qui, eux, peut-être, vont être en train de converser avec Tidjo qui fait des poids et haltères. Et là, tu veux savoir si la machine est libre. Mais toi, t'as des écouteurs. Ouais, c'est, ça. C'est pour ça qu'ils devraient instaurer la politique du gun à eau. C'est dans le dos, je suis next. C'est logique. Pareil, je suis d'accord. Pour les gens qui commencent, parce que je tiens à le dire, on parle ici des gens qui étaient couch potato et qui veulent se mettre au gym et qui, tu sais, parfois on a de la misère. Bien, faites quand même, donnez beaucoup d'importance au cardio. Quand vous arrivez au gym, là, essayez pas de vous donner à plein fond dans l'obtention des muscles de Popeye. C'est Popeye, hein, qui avait des muscles de fou. Tu sais, allez-y avec le cardio. Déjà en partant, vous allez avoir une énergie qui est beaucoup plus... présente que de simplement travailler vos muscles. Là, je parle surtout pour les gars, mais les filles aussi, parce que c'est souvent ça qui va vous donner l'énergie de pousser votre entraînement plus loin. Parce que le cardio va amener, à un moment donné, à donner de l'énergie à vos muscles. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment ça qui va vous arriver et vous allez vous dire, ben, c'est-tu quoi? Je pense que quand je vais arriver à l'autre machine, je vais encore plus pousser la machine pour arriver à mes fins. Et c'est souvent ça qui va vous motiver de ce côté-là. Puis surtout, avec le cardio, on dirait que c'est pas comme tout en même temps. Mm-hmm. Tu pars pas comme à une place ciblée. Ah, okay. Fait que quand tu fais du cardio, tu pars un peu partout. Fait que si c'est pour perdre du poids, c'est parfait. Exactement. Le prochain point, c'est d'éviter les suppléments quand vous commencez. OK. T'sais, allez-y beaucoup plus avec les fruits, exemple la banane, tout ça. Parce que, comme je le disais, si vous focussez sur le cardio, vous voulez pas nécessairement tout de suite avoir les bras de Popeye. Donc, justement, attendez c'est ça plus qui est bizarre, tard. Parce que Popeye, en tant que tel, c'est le nom même de la compagnie. Ils ont même payé les droits d'utiliser le personnage de Popeye pour la compagnie Poudre, là, tu sais. Oui, je me souviens. C'est marqué. C'est Popeye aussi qui est dessus, non? Oui, c'est ça, ben oui. Oui, exactement. Ils ont la marque, c'est même marqué United Syndicate en dessous, ils ont payé pour la marque. Mais Popeye, s'il y a de quoi qui est justement pas, je vais prendre de la poudre pour me rendre hop, C'est des épinards qu'il mangeait. Je trouve ça tellement ironique d'avoir choisi ce personnage-là. Mais c'est anti ça. C'est surtout ça qu'on veut mettre de l'avant dans l'article. C'est de se dire, si on débute, lancez-vous pas tout de suite dans quelque chose qui pourrait vous pousser beaucoup plus loin dans, ouais, dans l'obtention des muscles, justement, ou quoi que ce soit. Allez-y, par exemple, avec le beurre de peanut. Manger des épinards. Ben, c'est ça. Ah oui. Manger des épinards, des œufs, du poulet. Il y a plein de choses qui vont vous donner le même type d'énergie pour les débuts où vous allez aller au gym. Le prochain point, c'est, oh, s'il vous plaît, ne garochez pas les poids par terre si vous allez au gym, mesdames et messieurs. Ni sur le pied de quelqu'un, s'il vous plaît. Ni sur le pied de quelqu'un, mais y a-t-il quelque chose de plus dérangeant qu'un gars qui fait des poids à terre, là, il fait sa série, là, puis là, boum! C'est genre, on dirait un tremblement de terre à grandeur du gym. Ouais, puis ça pourrait casser une tuile. Puis c'est comme ça que t'arrêtes d'entendre ta musique. Oui, tout à fait. Ça dérange tout le monde. Et ça vient mettre en ligne de compte que tout le monde va se retourner vers toi, déjà en partant, savoir qu'est-ce que tu fais. Alors, le contact visuel, tu vas être le gars dans le gym que personne aime. T'sais, ou la fille. C'est comme à la cafétéria, tu vas pas dropper ton cabaret à terre non plus. Non, quand tu fais quelque chose, tu droppes pas le mic à la c'est fin. Ça. C'est quoi ça? T'sais, au pire des cas, prenez des poids haltères beaucoup moins lourds. Oui. Et faites une série plus longue, mais allez-y calmement. Déposez-les calmement, s'il vous plaît. Mais peut-être pourrait-il essayer des tapis. Bien souvent, il y a des tapis. Ah, ouais. Mais t'es-tu obligé de les laisser tomber au niveau de tes épaules pour que ça fasse le plus de bruit? Douche! Non. C'est souvent les gens qui veulent se faire regarder qui vont faire ça. Mais s'il vous plaît, si vous commencez, faites pas comme votre voisin d'à côté. Allez les reposer calmement. Voilà. Le prochain point et l'avant-dernier point, en fait, c'est de garder vraiment un comptage. Je sais pas vraiment comment l'expliquer en français, mais en anglais, c'est « keep a score ». C'est vraiment de calculer, garder vos calculs que vous avez faits. De qu'est-ce que vous avez fait comme entraînement, combien de temps? Exactement. Puis, pour pouvoir vous améliorer la prochaine fois que vous allez au gym. Si, par exemple, vous êtes du style à vous dire « je fais 20 minutes de cardio », je vais courir pendant 20 minutes, mais je ne me donne pas une distance X. Je fais juste 20 minutes de course. Quand vous allez arriver à la fin de votre 20 minutes, gardez le chiffre de votre distance pour que la prochaine fois, vous puissiez faire la même, le même temps, mais une meilleure distance. Ouais. C'est là que vous allez voir que vous améliorez. Même chose pour les poids et haltères. Si vous êtes du genre à vouloir faire plus de poids et haltères, bien, allez-y avec le temps versus le nombre de répétitions que vous allez faire. Puis là, augmenter par la suite. C'est vraiment comme ça le poids, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir voir que vous avez une amélioration de votre état physique pour les gens qui commencent à aller au gym. Et le dernier point, y a-t-il quelque chose de plus plate que de s'entraîner sans musique? Je pense qu'il n'y a pas personne qui va au gym, qui s'entraîne, pas de musique. C'est assez difficile, premièrement, pour la concentration, deuxièmement, pour l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent ça qui va nous donner le petit boost de continuer plus loin. Tant qu'à mettre des écouteurs pour pas que les gens te parlent, comme on a dit tantôt, aussi bien faire jouer de la musique dedans. Exactement. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ben faites-vous une playlist. Il y a des sites Internet, il y a des applications, vous trouvez de la musique partout. Faites-vous vraiment votre style de musique qui vous énergise et allez-y pour ça. Bonne idée. Faites-vous ça. Votre propre playlist et vous allez voir que vos entraînements au gym, vos séances d'entraînement au gym vont être de plus en plus agréables. Même pas besoin de le faire vous-même. Sur Spotify, il y en a plein des playlists. Il y a Google Play Music aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, de ce côté-là, là, c'est vraiment une des choses que vous devez garder en tête. Si vous êtes du genre à vous dire, bon, là, je me mets à l'entraînement, mais le gym, j'aime pas tant ça. Allez-y, premièrement, commencez juste par ça. Faites votre playlist. Puis vous allez voir, votre séance au gym va être beaucoup mieux. Génial. On te retrouve où au gym? Quel jour? Quelle heure? Moi, je m'entraîne chez moi, le pire. OK, t'as pas Non, mais c'est parce que c'est assez... Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi. C'est difficile de faire fitter son horaire, les repas, puis tout ça, avec à quelle heure je vais au gym. Mm-hmm. Là, tu finis de travailler, t'as faim, tu sais pas quoi trop manger avant d'aller t'entraîner, tu sais pas quoi... C'est pour ça que les gyms sont ouverts 24 heures aux États-Unis. T'sais. Oui, exact. Puis pas ici. Pas ici. C'est ça. Il y en a, y a le Énergie Cardio. Non, c'est pas Énergie Cardio, c'est Kona Fitness. Oui, exact. Il ferme à 11 heures le soir, il ouvre à 6 heures. C'est pas si pire. C'est ça. Bien, ouais. C'est quand même bien, mais je suis genre. Je commence à accepter l'entraînement du matin. J'avais beaucoup de misère avant parce que je suis pas capable de faire quelque chose l'estomac vide dans la vie. L'entraînement, surtout, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, de ce côté-là, à un moment donné, t'es juste comme. Je vais mourir, je vais me vider, quoi, whatever. Alors. Mais le matin, c'est quand même assez agréable de s'entraîner, voilà. Mais je pense qu'à Trois-Rivières aussi, ils en ont ouvert deux gyms là, qui sont rendus 24 heures. Ah, pour vrai? Il y a celui à Trois-Rivières-Ouest, dans le Carrefour. Ouais, World Gym. Ah, OK. Ouais, ouais, on reçoit les cartons à tous les jours. Ouais, ouais, c'est ça. Lui, il est 24 heures. Puis il y a le Cité en forme, pas loin, sur Jenna Schroeger aussi, qui est rendu 24 heures. Wow! Au Carrefour, souvent 24 heures. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, exactement. Cool, ça. Ces deux gyms-là. Beau conseil, ça. Quand même, travail d'équipe de votre bord, j'aime ouais. ça. Donc, Tania, Tania is gonna entertain you. On refait ça la semaine prochaine. Oui. Comme toujours. On prend une pause. Au retour pour la dernière heure. Oh. Une grosse pointe à l'adresse. Restez là. Non mais je suis sec. Nom nom nom. Attends un peu. Oh, maman. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours à Sondage Rocky pour la semaine du 6 juin 2016, c'est la Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Toujours avec notre invité spécial Marianne Baudet. Oui. Et non pas Baudin. Non. Même si c'est la cousine de Tania Baudin. Exactement. Ça marche pas dans ma tête. C'est un peu mêlant. Ouais, bref, donc on débute notre troisième heure sur la chanson Thème de Vanessa Paglietter, reprise par Tania et moi sur la musique de Ludwig Göransson. La deuxième heure c'était Radar Frac et la première heure c'était les risques du plasmique. Pour ceux qui se le demandent, toutes les informations sont sur assemblagerocky.com. Dans quelques instants on va faire une grosse pointe d'adresse. On va goûter à deux produits du tiroir dans oui. notre chronique de malbouffe. Ça va être extraordinaire. Mais avant ça, une pièce de la bronze. Oh, serait-ce Monarque? C'est bien Monarque. Oh, c'est bien Monarque. Assemblage requis sur ses fous. 89 FM. Tu me fais danser les lèvres. Ma maison, moi, c'est toi. C'est trop pour mon corps, la fièvre qui nous prend fort comme tes bras. Je m'endors dans ta gueule, je carnivore les gâteaux qui font éclore.

Génial. Au Provigo. Super. Okay. Oui, il y a une section au complet de croustilles un petit peu spéciale, là. Ben, il y a des choses qui viennent de l'Inde. Ouais. On avait déjà goûté à des bonbons indiens, si je ne m'abuse, ou russes, oui. Quelque chose. En tout cas, c'est là que je les avais pris dans la même rangée. Donc, ça vient de la même place. Génial. Alors, on regarde le deuxième pour plus tard. On va faire un petit bloc. Moi, je donne mon pouce en l'air. Là. On est supposé avec pouce en l'air. Ouais, pouce en l'air, les crevettes. Trois pouces en l'air, c'est fantastique. Donc, nouvelle fast-food avant de passer à notre deuxième produit. Commençons par le chocolat Bounty. On en parle une fois de temps en temps du Bounty, c'est vraiment cool. On avait parlé il y a quelques semaines d'une tartinade au Bounty, si tu veux. Oui, je me souviens. Cette fois-ci, on amène du Bounty en chocolat chaud. Ah, d'accord. Donc, avec des morceaux de chocolat intégrés, c'est marqué sur l'emballage. On vous dit d'ajouter du lait ou de l'eau chaude. Donc, c'est après leur tartinade qu'ils ont décidé, étant donné le succès, d'amener un autre nouveau produit. Ça contient du chocolat et beaucoup de noix de coco comparé à la tartinade qui était seulement de la tartinade à la noix de coco. J'en ai pas parlé en ondes de la critique parce que on avait déjà parlé du produit, mais la critique disait qu'il n'y avait pas de chocolat dans la tartinade. Ah, pour vrai? C'était seulement noix de coco, ce qui était plate un petit peu. Ouais, vraiment. Donc ici, ils se sont repris avec du vrai chocolat et tout plein de noix de coco. C'est pas mal ça qu'il y a à dire là-dessus, ça a l'air vraiment bon. C'est de la petite poudre. Je serais prêt à l'essayer n'importe quand. C'est sûr que si je vois ça passer quelque part, que ce soit même sur eBay, on va pouvoir y goûter un jour. On reste dans les trucs peut-être chocolatés et on revient au truc à tartiner en fait parce qu'une de mes barres de chocolat préférées à vie, j'en ai une de mon frigo qui m'attend en ce moment, c'est la Crunchy. Ok. Est-ce que vous aimez la Crunchy? C'est avec la petite mousse là dedans. Mousse croquante qui fait mal aux dents. Oui, pas vraiment moi. Quand même, non. Quand même. Non. Comment t'appelles ça ces trucs-là? C'est de la Crunchy. Non, je sais, mais le de la tire. C'est de la tire. Pas de la tire, c'est quoi? Nougat? Non. Voyons donc. Du sucre. Attends, je vais aller voir sur Google. Mais ce qui est jaune. Ouais, ça. Ben, c'est ça, c'est de la tire, mais dure. Tire dure. Oh, de la tire éponge. Tire éponge. Oui, c'est ça. Voilà, tire éponge. Merci. Wow. Donc, cette fois-ci, c'est du Cadbury Crunch en tartinade avec des morceaux de biscuits dedans. Ouh, d'accord. Ça a l'air génial. Ça serait sûrement quelque chose que je mangerais tous les jours. Je prendrais 1000 livres. Donc, base de chocolat avec quelques morceaux de Crunchy Bar, un mélange à l'intérieur. On montre le graphique sur la. Sur le pot comme ayant des morceaux de crunchy, mais à l'intérieur du pot, apparemment, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Le gars, dans la critique sur foodstufffinds.co.uk, l'a testé sur des crumpets britanniques. OK. Et il a bien aimé ça dans des crumpets, donc je l'essaierai. Moi, j'adore les crumpets, je sais pas pour vous. Je vais t'avouer que j'ai jamais vraiment goûté à des crumpets. C'est comme je un muffin, c'est quoi. Ça ressemble un petit peu à un dedans de muffin anglais. Oui. Mais c'est comme... comment dire... C'est plus de monts et vallées. C'est vrai, il y a plein de creux dedans. Oui, c'est ça, ouais. C'est parfait pour faire fondre du beurre. Pour vrai, si vous avez jamais essayé les crumpets, c'est comparé à des muffins. À des muffins anglais, comparé à des toasts, comparé à des bagels, surtout. Moi, je trouve que c'est le meilleur pain à tartiner. Ok. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça vaut la peine. Bref. Ensuite, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Je penserais pas. Je penserais pas. Je pense que c'est du pain. Ben, peut-être que c'est meilleur parce que dans le fond, il y a plus de creux dedans. C'est ça, fait qu'il y a moins de pain. Dis-toi ça, dis-toi que oui. C'est ça, c'est exactement. Meilleur pour la santé. C'est correct. Alors. Des crumpets. Des crumpets. Les filles, les deux filles, sont là et se couchent sur leur chaise pour aller manger leurs crevettes. C'est pour pas être entendu dans le micro, c'est de exactement, toute beauté. Exactement, sinon on nous entend. De toute beauté. On va chez Dairy Queen maintenant qui amène les cafés glacés et des frappés au niveau national aux États-Unis. Donc on sert maintenant des cafés glacés chez Dairy Queen avec plusieurs saveurs, dont caramel salé. Donc les Ice Coffees sont disponibles à saveur de vanille, caramel salé et mocha, alors que leurs DQ Ultimate Frappés sont à saveur d'Oreo. Ça dit ici pépites de caramel, miam. Ouh, quand même, ok. Et mocha de minuit. Mais est-ce que tu les manges, les pépites de caramel, en même temps que tu bois? Je pense que tu peux les croquer. Faites attention pour ne pas vous étouffer. Absolument. Donc, la chaîne aussi offre les nouvelles... Tu sais, les oranges Julius. Oui. Comment c'est magnifique, ça. Mais maintenant, ça a l'air de fraises et de melons d'eau. Oh! Ça s'appelle un Orange Julius Premium Fruit Smoothies. Donc, café glacé, frappé et smoothies disponibles avec un rabais chez Dairy Queen aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, entre 14h et 17h. Ensuite, on va chez Pizza Hut avec une panne pizza personnelle qui vous amène... en fait, on vous donne une panne pizza personnelle. Si vous amenez aux États-Unis une bouteille de Pepsi Moji. Oh, ouais. Tu sais, les Pepsi avec une emoji. Oui. Bon. Ouais. Donc, tu vas avoir droit à une pizza avec une seule garniture. Donc, genre pepperoni. Mm-hmm. Donc, personnel Pan Pizza. Pan Pizza, oui. Ça peut être soit. Donc, si tu amènes une bouteille Pepsi qui met en vedette un Pepsi Moji d'une pointe de pizza ou une pizza complète, donc eux, à la place d'avoir juste des bonhommes sourires, t'as aussi une pizza ou une pointe de pizza. Ah, ok, ouais. Donc, c'est disponible à partir du 1er juin jusqu'au 31 août. Disponible pour emporter seulement. On peut trouver ces bouteilles Pepsi Moji partout où les Pepsi sont vendus aux États-Unis jusqu'à fin des stocks. On limite une pizza par bouteille. Pizza gratuite, bien sûr. Hein? Mm-hmm. Il va falloir que tu leur donnes la bouteille. Hein? Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, l'idée est vraiment bonne, je trouve. Mais tu sais, il y a comme un petit hasard dedans, genre. Mais en même temps, il n'y a pas tellement d'hasard parce que si tu vas au dépanneur ou en magasin, toutes les bouteilles qui ont une pizza dessus vont être prises en premier. C'est sûr. À moins que tu sois dans une distributrice. Oh, peut-être. Ouais. Mais est-ce que tu crois que les bouteilles de Pepsi Moji, ils sont dans les distributrices? Je me le demande aussi. C'est une très, très bonne question. Bref, de toute façon, on peut pas participer. On y va avec un Spotted maintenant. On aime toujours voir des produits nouveaux en magasin. Et cette fois-ci, ce que j'ai trouvé de... je le cherche. Ah oui, c'était sur la page de TheImpulsiveBuy.com. Ouais. On parle de Goldfish, donc les petits poissons. Hein? Mais à saveur de biscuits soda. Ah! C'est plate, ça! Pourquoi on a juste pas des biscuits aussi. Soda? Tu sais... Soda, pas soda. Soda ou soda, on se le demande. Soda. On se le demande. Mais pour vrai, je veux dire, en tant que tel, les goldfish à saveur normale, c'est comme à saveur de fromage un petit peu. Oui. Ouais. Mais là, c'est qu'ils ont juste, dans le fond, pas mis de fromage. C'est ouais. Ça. Ils en ont sorti dernièrement, là, à saveur de chocolat, oui. De gâteau oui, de oui, pain. Oui, on a goûté. On a goûté ceux bon? Au gâteau. C'est oui, bon? On a goûté ceux à la pizza oui. Et ceux au petit gâteau à la vanille. C'était oui. Quand même pas pire. Moi, j'ai aimé ça. Okay. Les gâteaux vanille étaient plus sur un biscuit genre gramme, plus sablé. Si je me souviens bien, on a préféré ceux à la pizza. Oui. Absolument, c'était très épicé. Oui. Mais j'imagine que quelqu'un, genre à l'usine, avant que ça passe dans le truc de fromage, leur biscuit Goldfish, quelqu'un a dû en prendre un et a dû dire ça me semble des biscuits soda, ouais, on va faire une saveur avec ça. Ils ont aussi sorti parmesan. Ah, ok. Ah, parmesan, ça doit pas être pire. Ça doit être bon. Ce que j'aime aussi aux États-Unis, je crois pas avoir vu ça ici, c'est que leur sac de Goldfish, premièrement, c'est des sacs au lieu d'être des boîtes. Oui, puis c'est refermable. Ils sont refermables. Ah. C'est exactement ce que j'allais dire. Parfait, ça. Ensuite, on reste aux États-Unis pour des Frosted Flakes. Est-ce que vous aimez les Frosted Flakes? Oui. Moi, j'adore. Toi? J'y pense. Je sais pas si j'en ai déjà goûté. Hein? C'est comme des cornflakes sucrés. C'est le tigre. Ouais. Non, j'en ai jamais mangé. They're great. Ah, vous savez, moi, je me contente de mes Rice Krispies ou de mes collègues. Ah! T'es, je dirais, un petit peu plate, mettons. C'est un petit peu... Mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé des Frosted Flakes. C'est bon, la prochaine chose que je vais m'acheter comme céréales, ça va être des Frosted Flakes. Donc, cette fois-ci, on amène des Frosted Flakes, oui, au guimauve. Ah, ooh. Ben oui, avec guimauve. C'est pour ceux qui trouvaient pas ça assez sucré, les Frosted Flakes. Ouais, c'est ça, exactement. On vous rajoute du sucre. Ils ont volé l'idée aux Lucky Charms. Ben c'est ça, mais c'est qu'on veut que toutes les céréales à la fin, dans 10 ans, Ça sont toutes des Lucky Charms. Non, mais les Lucky Charms, là, ils devraient même pas mettre les céréales dans le pot. Ça existe en passant. Pour vrai? Oui. Si t'écoutes la chronique Une grosse pointe tendresse à chaque semaine, tu sais déjà tout ça. Exactement. Parce qu'on parle de tout ça. C'est notre but. Notre but est d'être le plus gros possible à faire. Et voilà. C'est beau. Maintenant, on parle de Quaker. La compagnie Quaker qui fait de très bonnes barres tendres, qui fait des céréales, du gruau, entre autres. Oui. Ils amènent maintenant les Chewy Snack Witch. Oh, d'accord. C'est comme deux barres tendres molles, OK, mais avec à l'intérieur d'une garniture. Donc, dans ce cas-ci, on aurait, par exemple, peanut butter and chocolate chip, donc beurre d'arachide et des brisures de chocolat. Oui. Et pomme caramel, une bonne source de calcium et de fibres, et c'est fait à 100% de grains entiers. Donc, c'est des barres tendres moelleuses. Moi, j'ai l'impression que tu pencherais pour le pomme et caramel, hein. Hey, sais-tu quoi, je saurais pas comment décider. C'est difficile. Je saurais pas lequel choisir. Si tu m'offrais une seule des deux, je te dirais, man bro, yo, do. Moitié-moitié. Moitié-moitié. What you gonna do when it comes for you? Oui, c'est ce que je ferais. On continue avec Krispy Kreme en Australie, maintenant, qui nous offre un beignet à la tarte aux pommes, mais qui ressemble visuellement à une tarte aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est fort, c'est vrai. Hein? Donc, c'est le goût typiquement américain de la tarte aux pommes ici, mais en Australie, ça s'appelle le Big Apple Pie Donut qui vient avec un vrai dessus qui ressemble à une tarte dans le sens que c'est comme en tricot, là, comment t'appelles ça, un treillis. Là, oui, oui, oui, comme un tressage, là, mettons. Un tressage, voilà. Donc, lattice qu'on appelle en anglais, qui ressemble à la croûte, mais qui est en fait à la main avec du chocolat blanc. Oh, ouais. Hein? Ça, c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant, ouais. Il y a des miettes de biscuits crunchées, finement crunchées, genre, par-dessus. Et le reste du beignet est familier. Donc, c'est le yeast, la levure pour l'extérieur. Mm-hmm. Et une garniture à la pomme cannelle à l'intérieur. Donc, vraiment une vraie garniture, pas liquide, là, mais en genre de... Gelée. En gelée. Alors, gelée, c'est exactement gelée, ça que je cherchais comme mot. En ce moment, j'ai vraiment le goût d'y goûter. Ah, je sais, cette chronique-là est la pire. Donc, d'autres bangs parmi leur ligne de classiques américains, il y a Peanut Butter Jelly Time. Oh, ah, okay. Oui, confiture et beurre d'arachide. Campfire S'mores, donc les s'mores, ça c'est chocolat, je suis gramme et guimauve. Et Coconut Cream Pie, donc tarte à la noix de coco et à la crème fouettée. Bien sûr, là, tous les détails sont là. Je pourrais vous les dire bien longtemps. Genre, le Peanut Butter Jelly Time, c'est un beignet rempli de beurre d'arachide et de confiture de fraises trempée dans du beurre d'arachide avec un glaçage truffe chocolat blanc et avec en plus des morceaux de miettes de biscuit et un tout petit peu de confiture à la framboise par-dessus. C'est un peu cochon. Puis ça se trouve pas par chez nous, ces affaires-là? Ben non. Non. Bien souvent, ce qui se retrouve dans nos chroniques ne se retrouve pas ici, malheureusement. C'est vraiment c'est tellement plate. Dommage. Ouais, je sais. Donc, Krispy Kreme qui met en vedette, oui, les desserts américains. Et ça dit aussi que... on va les avoir aussi, attends un petit peu. Krispy Kreme met aussi en vedette les goûts américains, de desserts américains aux États-Unis en ce moment. Donc, en Australie et aux États-Unis, mais j'imagine qu'aux États-Unis, c'est pas les mêmes modèles que ceux que je viens de dire là. Maintenant, on va chez Starbucks aux États-Unis qui amène une ligne de café glacé avec infusion qu'on appelle de nitrogène. Ouais, bon. Ça a l'air spécial, hein? Ouais, vraiment. Dans plusieurs villes sélectionnées, donc c'est nouveau et c'est disponible partout au pays. C'est donc Vanilla Sweet Cream Cold Brew et Starbucks Double Shot on Ice, alors que t'as aussi le Nitro Cold Brew qui est en fût, disponible en fût dans des villes américaines. Oui, je sais. Donc, Vanilla Sweet Cream Cold Brew, c'est leur café, donc Cold Brew, ce qui veut dire infusion à froid, voilà, avec de la glace. On ajoute par-dessus une couche de crème de vanille sucrée fait maison. Starbucks fabrique leur café à infusion à froid en moulant des grains de café dans de l'eau, en les faisant tremper pendant 20 heures. Ah, ça doit être de l'eau glacée en ouais. plus. Hein? Ensuite, t'as le Starbucks Double Shot on Ice, qui est un double shooter d'espresso brassé, donc shake et non pas stirred, donc mm-hmm. il n'est pas brassé, il est shaken, avec de la glace, un petit soupçon de lait et un sirop simple qui s'appelle. Donc, ce qui pourrait créer de la confusion, nous dit-on dans l'article de BradEatake.com, c'est que ça a le même nom que le Starbucks Double Shot Espresso Canned Drink, donc la boisson en canette, qui, elle, n'est pas la même recette. C'est un mélange d'espresso, de lait, de crème et de sucre. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pas la même recette, mais c'est le même nom. Et finalement, la chaîne va aussi intégrer le marché très trendy en ce moment, très, très hipster, du Nitro Coffee. Donc, c'est le Nitro Cold Brew. C'est du café qui est... à infusion froide, mm-hmm. infusion de nitrogène, ce qui lui donne un petit peu un petit goût sucré, légèrement sucré, une texture crémeuse et un dessus mousseux, si on veut. Contrairement aux deux autres boissons, c'est versé à froid, en fût, et c'est servi sur glace. Et c'est supposé arriver plus tard cet été à Seattle, Portland, New York, Chicago, Boston, Los Angeles et San Francisco. Voilà. Et encore une fois, pas ici au Canada. Mais avoue que le nitro, ça a pas l'air de changer grand chose. Non, hein, je pense pas. Mais c'est à mode. Mais ça va être froid, ça c'est sûr. Oui, ouais. C'est ce qu'on veut. Ensuite, on va chez Burger King, toujours aux États-Unis. Burger King, on se rappelle, il y a quelques semaines, je me rappelle pas si c'était la semaine passée ou il y a deux semaines, ça avait sorti son Whopper Dog, qui était mm-hmm. la même recette que le Whopper, donc tomate, laitue, etc. Bon, mais dans un hot dog. Maintenant, on sort le Whopperito. Qui est disponible dans un Burger King chez, à Hermitage en Pennsylvanie. Si vous n'êtes pas familier donc, avec le Bacon Whopper with Cheese, c'est donc du bœuf grillé sur flamme, du fromage américain, ce qu'on appelle du fromage orange ici, ou jaune, tomate, jaune, ouais. Tomate, ouais. Laitue, mayonnaise, ketchup, cornichon et oignon blanc. Maintenant, tous ces ingrédients-là, à la place d'être dans un hot dog ou dans un burger, dans un tortilla de farine, une tortilla? Bref. Un tortilla? Je sais pas, hein. Je sais pas. Bref. Ça vous donne donc le Whopperito. Ça s'en vient pour l'instant en Pennsylvanie et plus tard si ça a du succès partout ailleurs dans la chaîne. Tortilla. Oui, Wiktionnaire. Tortilla. Je sais, c'est un tortilla. Ouais, un tortilla. J'aurais tendance à dire un tortilla aussi. Ouais. Ça vient de l'espagnol, donc des fois on adapte le style. Un tortilla. Una tortilla. C'est féminin. Una tortilla. Mais c'est sûr, ça finit par un A, sinon ce serait un tortillo. Hein? Ah, une même. Galette plate faite avec de la farine de maïs. Bah. De la farine de maïs nixtamalisée, qui en espagnol est tortilla. Tortilla. On reste dans tout ce qui est hispanique et hispanophone, avec Taco Bell maintenant, qui teste des doubles tacos, donc des double stacked tacos, des tacos empilés un par-dessus l'autre. Ceux qui ont déjà vu le sketch de Saturday Night Live, où ils empilaient une tortilla dans une autre tortilla avec du fromage, dans ouais, une pizza, ça quoi, ça? Avec de la salsa dans un sac avec de la salsa dedans, c'est un de mes sketchs qui me fait le plus rire de l'histoire de SNL. Allez chercher SNL genre Taco Fille. Town, c'est Taco Town. Taco Town. Taco Town. C'est vraiment un de mes préférés. Bref, Taco Bell teste une ligne de double-decker type tacos, donc des tacos un petit peu comme les autobus anglais à deux étages. C'est pour ça qu'on les appelle double-stacked. On teste ça à Toledo, en Ohio. Un de leurs chaque. Le crunchy taco est plié en trois variétés. Cool habanero, nacho crunch et spicy sweet. Donc, c'est un taco croustillant rempli de bœuf assaisonné, de crème sure, de laitue, de fromage dans une autre tortilla à la farine avec une couche de fromage fondu et de la sauce habanero entre les deux. Hmm. Nacho Crunch, lui, c'est la même combinaison que le Crunchy Taco, mais avec un tortilla rouge croquant. Non, pardon, avec des bandes de tortilla coupées à la place de la crème sûre. On le place aussi dans un tortilla à la farine avec une couche de fromage fondu et une sauce aux nachos entre les deux. Tu vois, genre, tu sais, le fromage genre orange fondu. Oui, oui, oui. Et bon, il y a aussi le spicy sweet. Là, je vous ai parlé les détails. Ça a l'air cholestérol un peu. Pas mal, ouais, pas mal. Donc voilà, c'est chez Taco Bell en ce moment. Ensuite, à l'époque victorienne, ça, c'est pas vraiment un produit qu'on peut essayer. Je vais essayer de lire. Je me suis rendu compte que j'ai mis un paquet d'articles dans cette chronique-là aujourd'hui. On va faire notre possible. On est en jeu. Donc, à l'époque victorienne, on pouvait avoir un emploi qui était de livrer de la viande aux chats. Ben oui, c'est correct. Les gens aiment prendre soin de leurs chats, mais à l'époque victorienne, les félins de Londres recevaient quotidiennement de la viande, des emballages de viande livrés à la main par des vendeurs qu'on appelait donc « cat's meat man », un peu comme le laitier, le boulanger. Il y avait aussi le « cat's meat man ». Donc, c'est Carrie Fry, écrivaine et rédactrice, qui a récemment écrit à ce sujet-là, de cette profession-là, dans sa lettre de nouvelles « Black Cardigan ». Elle a découvert que la profession... Elle a découvert la profession, après avoir lu Harriet Hardyman, qui était une femme de viande. Donc, il y avait des « cat's meat man » et des « cat's meat women ». Donc, elle vivait au 29 Hanbury Street, l'endroit où Jack the Ripper a fait sa deuxième victime, Annie Chapman. Elle a été retrouvée, cette victime-là, en 1888. Donc, Chapman n'avait aucune connexion avec cette adresse-là. Et on dit que le job de la femme était de livrer de la viande aux chats. Donc, le cat's meat man vendait de la viande hachée, normalement des restants de chevaux, d'endroits où on tuait des chevaux, là, localement. Il vendait ça donc à des propriétaires de chats. De la viande pour les chats et non pas de la viande de chat, parce que ça a créé confusion apparemment. Ils avaient des routes régulières, pareil comme les laitiers. Il y avait des clients réguliers. C'était vraiment commun dans les rues de Londres. Des centaines, sinon des milliers de vendeurs servaient les 300 000 chats de Londres. Intéressant, hein? Ah, quand même. Sinon, McDonald's donne une croquette de poulet en or 18 carats. Ah, ben oui, rien de moins. Ben oui. Donc, McDonald's essaie de faire encore mieux que le billet doré de Willy Wonka. On se rappelle tous de l'histoire du billet doré de Willy Wonka. Donc, le géant du fast-food lance un nouveau concours au Japon où le grand prix sera une croquette de poulet de 18 carats qui pèse 50 grammes ou 1,8 once et qui vaut environ 1 500 $. Le concours fait partie d'une campagne promotionnelle pour introduire deux nouvelles sauces à tremper pour les McCroquettes. Fruit curry, donc curry. Carré fruité. Et creamy cheese, donc un fromage crémeux, bien sûr. Pour participer au concours qui a lieu du 8 au 28 juin, il faut suivre McDonald's Japon sur Twitter. On va recevoir des indices pour vous aider à retrouver le voleur de McCroquette, oui. Il faut aussi vivre au Japon. Et il y a des indices additionnels qui vont être disponibles dans les restaurants à travers le pays. Et les participants vont devoir tweeter l'identité du voleur et l'adresse exacte du restaurant avec le hashtag symbole japonais avec un petit sourire. ce qui veut dire Mysterious Nugget Thief, donc le voleur de McCroquette mystérieux. Un participant chanceux va être sélectionné pour gagner cette pépite dorée qui va être à l'intérieur d'un emballage de 5 McCroquettes. Ah, rien de moins. Donc tu vas pouvoir manger en plus, parce que c'est ça l'affaire. Mais qui décide qu'il la met dedans? Le gars qui fait frire les McCroquettes? Je sais pas s'il peut se tromper, faire frire l'or. Ouh. Je sais pas. Le petit trompe, t'essaies de la manger. Ouais. Puis aussi, on sait que les croquettes de McDonald's sont en trois formes, je pense. C'est pas comme genre pâte de poulet, pâte de poulet, puis en tout cas, bref, il y a trois sortes, il me semble. Mm-hmm. Donc, quelle sorte va être cette croquette dorée? On ne sait point. Les vraies questions, vous avez le droit de savoir. Journalisme. Ensuite, on peut maintenant faire de la bière dans votre Soda Stream. Ah ouais? Ouais. Il y a des gens qui pensent depuis longtemps à s'acheter un Soda Stream. Moi, en tout cas, je me suis posé la question souvent. Je me suis dit, bon, la machine n'est pas si chère. Mais maintenant, avec la bière, ça devient intéressant. Ben, c'est ça. Mais il faut quand même s'acheter des bonbonnes pour mettre dedans. Bref, la compagnie vient de lancer un système de bière fait maison qui s'appelle le Beer Bar, qui permet aux utilisateurs de fabriquer de la bière légère en quelques minutes. Oui, j'ai bien dit de la bière légère. C'est beaucoup plus rapide que faire votre propre bière à la maison, faire du homebrew qu'on appelle, ce qui est quand même assez compliqué, qui demande pas mal de temps en fait. Donc pour le faire, les gens qui ont un Soda Stream vont ajouter le concentré de bière légère Blondie à leur eau pétillante. Et le résultat, ça va être de la bière à 4,5% d'alcool par volume, ce qui est à peu près la même chose que les bières classiques. Une bouteille d'1 litre de Blondie en concentré va faire environ 3 litres de bière. En ce moment, le Beer Bar est seulement disponible dans un magasin en ligne de l'Allemagne, chez SodaStream, et par des vendeurs en Suisse, mais d'autres marchés devraient recevoir le produit d'ici la fin de 2016, sinon en 2017. Même l'emballage est en français, donc vous pouvez le commander, j'imagine, ailleurs et réussir à vous le faire livrer. Probablement. Ça dit la bière à faire soi-même. La birra fait ta terre. Ah voilà, c'était si bien dit, Mathieu. Bien sûr. Il y a un McDonald's en Australie, les filles, qui ne vend que des frites. Ouh. Pour vrai? Mas fritas. Tu peux faire ça? On dirait, ça a l'air. Ça me surprend. Moi aussi. Que McDonald's laisse faire ça. Ça doit coûter cher de... Les frites. Parce que là, c'est comme l'Allemagne là, qui m'a mêlé. Mais ça doit coûter quand même cher de sel pour ce McDonald's-là. Oui, j'avoue. Là, c'est sûr. Quand on pense à ça, là, au nombre de sel qu'ils mettent ses frites au McDo, c'est tout ce qu'ils vendent. Et ça va envoyer les gens à la sel aussi, comme on dit. Too much information. J'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce serait facile de faire un repas avec juste des frites pour moi. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas de manger un souper de frites. McDonald's, c'est tellement bon. Ah ouais? Oui. Ah ben les frites du McDonald's, c'est comme une exception à la règle. C'est ça. Donc, il y a un restaurant pop-up. Ça, c'est un restaurant temporaire qui ouvre juste pour quelques moments à Sydney, en Australie, qui s'appelle le titre Fries with That. Des frites avec ça. J'adore le titre. C'est le nom d'une de mes séries jeunesse préférées du début des années 2000 sur YTV. Fries with That. On va dire au revoir à Marianne qui s'en va. Ben oui. Bye. Au revoir. Merci, Marianne. À cause du parcomètre. C'est ça. C'est ça. J'avais pas choisi de le dire en nom, sinon on l'aurait perdu comme ça. Ah, ouais. Bye. Bye bye. Donc, un restaurant pop-up à Sydney en Australie qui s'appelle Des Frites avec ça et qui va vendre seulement des frites. Un restaurant donc avec des pancartes de néon, des sièges en bois, donc des genres de banquettes, des ampoules accrochées au plafond super trendy, des tuiles partout sur les murs, c'est vraiment très très à la mode. Et les gens qui vont visiter ce restaurant-là vont pouvoir, en fait, vont se faire accueillir avec un clipboard, donc une planchette, planchette de bois, c'est comme sur laquelle on peut écrire, qui va vous présenter donc les sortes de frites, c'est des loaded fries, un peu comme, tu sais, nous on appelle ça genre des poutines, mais aux États-Unis, des loaded fries, ça peut être chili fromage, ça peut être frites sauce avec ben, du fromage râpé. C'est un peu comme le In-N-Out, là, en fait, là, ils mettent du fromage coulant. C'est ça, c'est pas très bon. Ouais, non, c'est... Bref, donc le menu de loaded fries, il y a 7 options. T'as chipotle cheese sauce, t'as gravy, classique frites sauce, piri piri cheese sauce, okay. Sweet chili and sour cream, sûrement mon préféré, là, chili comme ça, mayo pesto et parmesan, curry et sauce César. Et sauce César, bacon et parmesan, ça c'est une seule sorte. Mm-hmm. Voilà. Et dépendant de la popularité, il y en a une qui va faire son petit bonhomme de chemin vers le menu régulier chez McDonald's en Australie dans le futur. Donc la version la plus populaire va être dans les vrais McDonald's. Fantastique. Un frites avec ça qui est ouvert. Ah, c'est ouvert jusqu'au 5 juin, c'est passé, à Sydney en Australie. Ceux qui s'en allaient là-bas, désolé. Désolé! On reste en Australie avec une bière australienne faite à partir d'une sécrétion de baleine. Ew. Ouais, c'est je drôle. Sais pas comment le prendre. Je sais pas, hein. Il y a pas mal d'affaires qui sont faites avec des affaires de baleine dans la vie, il me semble. Puis, ouais. C'est pas pour rien sur les cannes de thon, c'est marqué genre. C'est marqué, attends un peu. Respecte les dauphins. Ah ouais, pour vrai? Ouais. C'était le nom d'une ancienne émission assez fou d'ailleurs. Ah! Respecte les dauphins. Avec mon ancien co-animateur Kiwan. Le premier animateur de Sondage Rocky. Ouais, c'est ça. Bref, donc on va en Australie, évidemment, avec des baleines. C'est Robetown Brewery, dans le sud de l'Australie, qui vient de sortir une édition limitée, une batch limitée qui s'appelle Moby Dick Ambergris Ale, qui est fait avec des sécrétions d'intérieur d'estomac de baleine, ce qu'on appelle de l'ambergris en anglais. J'imagine qu'il y a un mot en français pour ça. De l'ambergris, peut-être, en français. Attention. Dictionnaire. Larousse, aide-moi, s'il te plaît. Larousse, allez, de l'ambre gris, c'est ce que j'avais dit. Ben oui. L'ambre gris, pourquoi se casser la tête? Donc, l'ambre gris, c'est une substance cireuse, un petit peu grise, qu'on trouve dans les intestins des sperm whales. Baleine à sperme. J'imagine qu'il y a un nom pour ça aussi, mais bref, c'est ça. Ça aide la baleine. Ça aide à faire bouger quelque chose de coupant qu'une baleine pourrait avaler. C'est comme un genre de lubrifiant, si on veut. Ça a été bien populaire pendant quelques temps dans les parfums. Et ça reste quelque chose qui vaut très très cher. La substance, elle, est rendue illégale dans plusieurs pays, dont les États-Unis, où les baleines sont sur l'espèce, sur la liste des espèces en danger. Faut que je trouve sperm whales, qu'est-ce que c'est en français? Un petit peu, je suis fatiguant avec mes recherches. Là. Sperm whales. On dit un cachalot. Voilà, cachalot. La brasserie décrit la bière comme ayant un arôme animalier, un parfum particulier, un corps quand même, je crois que c'est un petit peu un corps intense. Ouais, ça doit, hein? Ça doit goûter, là. Ouais, ça goûte un petit peu le caramel, fruité en même temps. Ça peut être aussi même bitter, donc un petit peu âcre. OK. Donc, c'est plein de choses en même temps. On note que l'arôme n'est pas pour les débutants en bière. Selon le blog qui parle de la nouvelle bière, la brasserie a trouvé un spécimen frais, relativement frais, d'ambre gris, oui. Qui est arrivé il y a 2 ans sur les plages locales de Robe et qui est ajouté donc à leur version de leur Amber Ale. Ça va sortir en petite batch ce mois-ci dans des boutiques sélectionnées de Melbourne et Adelaide et aussi au Gab's Beer, Cider and Food Festival de Melbourne. Donc ça va sortir après ça un autre batch au mois de septembre. Est-ce que tu boirais de la bière d'intestin de baleine? Non, pas vraiment. Non, hein? J'ai de la difficulté, anyway, avec les bières qui sont quand même très sombres. Alors je serais pas capable, je crois. Absolument, le acre, je suis pas capable du tout. On reste en Australie, Colin. Beaucoup de nouvelles d'Australie aujourd'hui. Oui, hein? Un café là-bas qui offre du café déconstruit, qu'on appelle dans des... c'est quoi le truc en science qui est comme fait en genre de pyramide? Un bec. Il y a un... pas une éprouvette? Une éprouvette. Non, pas l'éprouvette, c'est un tube. Ben, Colin. L'autre là qui ressemble à... c'est ça? Un affaire scientifique, là? On est vraiment très bon en français aujourd'hui, je trouve. Attends un peu, je vais aller chercher ça. Oh, je ne l'ai pas. Attends, quelqu'un là à la maison, c'est clair, ouais. Là. C'est clair que... Bref, en tout cas, vous savez de quoi je parle en science, le truc en genre de pyramide. Pour les amateurs de café, un voyage... Un bécher. Un bécher. J'ai dit un bé en plus, un bé. Je tiens à remercier Hélène qui vient de nous envoyer la réponse. Merci, Hélène. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, oui, c'est ça, c'est un café en Australie qui offre différentes expériences compliquées, mais à la place de servir les cafés finis, donc le résultat final, les clients reçoivent le café déconstruit. Donc c'est 3 béchères remplies de lait, de l'eau, oui, et de l'espresso. C'est Hamila Rizvi qui a, par inadvertance, commandé sa boisson pendant un voyage à Melbourne et qu'elle a partagé sa haine pour ce concept-là, oui, hein, sur Facebook. C'est vraiment beaucoup de haine. Mais pourquoi de la haine? Mais elle dit que c'est trop hipsterisme. C'est ça. Trop hipster, ça va trop loin quand son café vient de façon déconstruite. Elle dit qu'elle a dû attendre 20 minutes par tasse de café pour boire sa concoction avant de réaliser que ça... elle a dû attendre 20 minutes pour recevoir son café construit, alors que finalement, ça s'est jamais arrivé parce qu'elle avait seulement les ingrédients déconstruits. Elle dit « Je préfère boire mon breuvage dans une tasse et non dans des béchères. Je n'ai pas commandé une expérience de science. » Moi, je la trouve bête, cette fille-là. Pas mal bête. Bref, allez voir ça en Australie si ça vous intéresse de passer par là. Ensuite, on va dans un dictionnaire. En fait, c'est Merriam-Webster qui déclare que le hot dog est un sandwich. Et je pense que je suis d'accord avec eux. Ouais, c'est quoi, ouais, la différence? Peut-être. Un sandwich, c'est quoi? C'est 2 tranches de pain avec quelque chose entre les deux. C'est quoi un hot dog? C'est pas genre 2 tranches de pain avec des affaires entre les deux. Et de la viande même. C'est vrai? T'sais, pour moi, c'est même la définition même d'un sandwich. Mais bon. C'est comme les hamburgers, on a souvent un sandwich aussi. Ouais. Donc, le jour du souvenir et le début de l'été, comme on le sait aux États-Unis, jour du souvenir des vétérans américains. C'est pas le même jour du souvenir qu'ici au Canada. Donc, on parle de party à l'extérieur, crème glacée, baignade et hot dog. Peut-être même avez-vous déjà mangé des hot dogs depuis les dernières semaines. Les gens chez Merriam-Webster avaient sûrement ça en tête parce qu'ils ont sorti un tweet qui dit « Have a great Memorial Day weekend », donc hashtag Memorial Day weekend. « The hot dog is a sandwich ». Le hot dog est un sandwich. Donc, ils ont sorti un article sur leur site. C'est le palmarès de 10 tops de sandwich. Pas 10 tops, 10 sortes de sandwich. Donc, parmi leurs sandwichs, il y a... attention. Où est-il? Non. J'embarque pas là-dedans. C'est un top page par page qu'il faut faire next. Non. J'embarque pas dans ça. Même si c'est Merriam-Webster. Désolé, mais non. C'est contre mes principes. Donc, définition de sandwich. Selon Merriam-Webster, 2 ou plus tranches de pain. Ou un roll, donc un roll, c'est ces petits pains là, genre fourrés. Oui. Avec quelque chose pour remplir entre les deux. Donc, c'est la définition numéro 1. Définition numéro 2, c'est une tranche de pain couverte de nourriture. Oh. Donc, en tant que tel, le dog rentre là-dedans facile. La toast aussi. La toast aussi sera un sandwich. Mm. Et voilà! Mathieu, je dois juste prendre quelques secondes parce qu'il y a plein de gens qui nous écrivent présentement sur l'assemblage Reiki pour nous dire que le terme exact du bécher, c'est un Erlenmeyer. Erlenmeyer! C'est ça, c'est ton ami Hélène qui aussi son surnom est Erlenmeyer. Erlenmeyer! La meilleure auditrice de l'assemblage Reiki. Ou sinon, l'autre thème qu'on pourrait appeler ça, c'est un bécher pyramidal. Ben, Colin! Les gens sont en feu, là, les gens arrêtent pas de mais nous vous envoyer donc ben. Vous êtes donc ben les meilleurs. C'est fou, hein? Et vous m'aidez beaucoup parce que j'avais vraiment dit, il y a une pyramide, j'étais vraiment proche en tant que... Oui, c'est vrai. C'est pas si loin que ça. Bref, le hot dog est un sandwich. On continue avec de faux signets. Mais en fait, non. On recommence. C'est de vrais signets. Mais c'est de la fausse nourriture. Et voilà. Et ils ont l'air assez bons pour être mangés. C'est peut-être le genre de lecteur qui plie les coins de page. Hein? Mm-hmm. Moi, je suis le même. Non, moi, je fais non. ça. Tania, je suis contre toi en ce moment. Tu ne peux pas gâcher un livre comme mais ça. Mais je perds tout le temps mes signets. Je perds tout le temps mes signets. Ouais, mais peut-être que le problème, c'est peut-être plus le signet qui est peut-être pas assez évident, peut-être pas assez gros, peut-être pas assez avec une corde qui pend au bout. Peut-être, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça. Donc, en plus de tenir votre page, c'est signé de la compagnie Spoon and Tomago. You say tomato, I say tomato. Va fonctionner en plus pour te donner l'eau à la bouche. C'est des signets hyper réalistes qui viennent du Japon, évidemment. Évidemment. Ça pourrait pas être ailleurs. Qui sont faits pour ressembler à 8 délicieuses nourritures, dont du bacon, des crêpes, des œufs, des post-pickles et du saumon frit. Celui-là, j'avoue que ça m'a pris par surprise. Et des algues aussi, hein? Des algues. Donc, les marqueurs se vendent entre 1080 et 1600 yens, ce qui bien sûr est 10 à 15 dollars américains, jusqu'à épuisement des stocks. Pour voir ce qu'ils ont en stock, il faut aller sur le site de Tokyo Kitsch, une boutique qui les vend, sinon sur Twitter et Facebook. Il y a aussi plein d'autres signés sur assemblagerequis.com. Moi, je préfère, je pense que j'irais que le melon d'eau m'attire. Ouais, hein? C'est vrai. M'attire beaucoup. J'ai acheté un melon d'eau cette semaine, en quartier, tu sais, comme un vrai paresseux qui veut pas le couper en quatre. Mm-hmm. J'ai acheté un quartier, un quart de melon d'eau. Ça coûtait 3 piastres. Je me suis dit, crime, c'était une bonne affaire pour moi. C'est magique. Magique. Je vous le conseille. Ah, le popsicle. As-tu vu le popsicle? Il est bleu. Voilà. Mm-hmm. Ensuite. Mais tu peux pas le licher, Mathieu. Non, je sais. Il aurait dû. J'aimerais ça qu'il le fasse avec odeur. Tu sais, comme les arbres que tu mets dans ouais. le char. C'est vrai, hein? Ça sentait ça le melon d'eau. Pas pire. Mais là, ton livre sentirait plus le livre. Ah, j'avoue. Puis tu veux avoir l'odeur d'un livre. Je suis d'accord. Et voilà. Ensuite, on y va avec des dessert kebabs. C'est comme des shish kebabs. C'est vrai qu'on a un deuxième produit à côté. Oui, oui, oui, je sais. OK. Donc, on a... C'est des desserts kebabs. C'est la plus récente folie qui vient d'atteindre l'Australie. Les kebabs, comme on sait, c'est quoi? C'est légumes, de la sauce, de la viande, enveloppée dans un pita. Mm-hmm. Hein? Le dessert kebab est sur le menu dans un restaurant australien qui lance complètement ces conventions-là par la fenêtre, nous dit mentalfloss.com. Le telabab au Sydney Tela Balls Desert Bar remplace les composants traditionnels du kebab méditerranéen, ou le shawarma, ou le doner, avec des ingrédients sucrés et décadents. Donc, à la place d'un pita savoureux, le plat est servi dans un emballage de pain pita beigne, si on veut. À l'intérieur, il y a des bananes, des fraises, de la crème fouettée, du lait et du chocolat blanc en copeaux. Ça, c'est... oui, ça, c'est pour la version... Ça m'a l'air vraiment, mais vraiment cochon. Ouais, non, c'est vraiment cool. Je pense que c'est servi... Ah oui, c'est ça, OK. C'est que le chocolat... Et tu sais, comme dans, mettons, quand tu vas chez, dans un restaurant de Taouk, genre. Oui, oui, oui, ils coupent le. Ils vont couper la viande, ouais. Mais là, ils coupent du chocolat dans la même façon. De la même façon. C'est vraiment cool. Ils râpent directement sur le rouleau. Sur le rouleau. Donc, tout ça, c'est fini avec un petit coulis de Nutella sur le dessus. Tela Balls n'est pas le premier endroit à essayer des kebabs sucrés. Il y a aussi des chocolats de shawarma, une confection populaire aux Émirats Arabes Unis. Toujours de la misère à dire ça parce que ouais, les syllabes sont difficile. Pas dans. Émirats Arabes Unis. Émirats du Mieux. C'est ça. Donc, le telabab est probablement le premier exemple de ce plat-là qui est rendu populaire maintenant en Australie. Les gens en Australie font plusieurs mash-ups. Il y en a d'autres sortes aussi. Allez voir ça, dont les sushi burgers sur assemblagerequis.com. Étant donné qu'il nous reste exactement 5 actualités pour ce bloc-ci, je pense qu'on va passer à notre deuxième produit. Ben Mathieu, je te le disais, j'ai aussi passé à ton côté sucré. Mm-hmm. Je sais que t'as quand même, je crois, la dent plus sucrée que la dent salée. Je te dirais que je suis 50-50 pas mal. Ah ouais, 50-50. Eh bien, je suis allée dans le côté VG, bio. Et là, je tiens à dire que c'est sans OGM et apparemment vegan. Ah, végétalien. Ouais. Il n'y a pas de gluten en plus. Et tout est en anglais, c'est vraiment juste écrit en anglais. Ils ont le droit de faire ça. Je savais même pas qu'il y avait... C'est ça au Québec? Oui. Wow. À la même place que les chips, les croustilles de crevettes, ça s'appelle Barnana. Okay. Et apparemment que c'est le meilleur snack de potassium. Donc, j'explique, c'est censé être des tranches de bananes déshydratées. Déjà, mais, ça, c'est aha, bon. Attention, attention. Tu sais, on a les bananes là, secs, cuites, tout ça. Ouais. Mais non, non, non, non. Là, c'est genre des jujubes, mais ce sont des vraies bananes, apparemment. Donc, j'ai vraiment hâte d'ouvrir le sac parce que ça dit au dos, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Et là, ça dit 4 bananes, moins 80 % de son eau, plus un quart de coconut. Donc, il reste 20 % de l'eau. Il reste 20 % de l'eau. Wow. Oui, exactement. Puis, ça dit que c'est une très bonne source de potassium. C'est une super source de fibres. Ça a zéro sucre ajouté, zéro agent de conservation et zéro cholestérol. Wow! Mais,

On dit que c'est divisé en trois catégories. Il y a ceux qui montent tout le temps. Donc ceux qui montent de façon exponentielle et qui sont des safe bets, donc des trucs qui vont plaire à peu près à tout le monde. T'as les seasonal risers, ceux qui montent, qui ont des sommets pendant quelques périodes de l'année et d'autres moments où ils redescendent, par exemple les soupes chaudes et les plats basés sur les nouilles l'hiver. Et t'as les rising stars, les étoiles montantes. Ça, c'est les plus récentes tendances, celles qui vont peut-être partir très bientôt, qui sont pas à la mode longtemps. Donc t'as aussi les sustained et seasonal decliners, ceux qui descendent un petit peu ou qui descendent pendant les saisons. Et t'as les falling stars, donc les étoiles baissantes si on veut. Moi j'ai un gros rapport qui plonge un petit peu dans les tendances. Allons voir les sustained risers, t'as le ramen, rigatoni, linguini entre autres, les empanadas, le hunker bacon et les bundt cakes. Les seasonal risers, t'as il y en a plusieurs qui sont des termes que je connais pas, le faux, c'est asiatique, overnight oats, bitter melon, cheese curds, donc les crottes de fromage, pork shoulder, donc l'épaule de porc, les smash cakes et les gender reveal cakes, donc les gâteaux qui sont là pour révéler le genre d'un bébé peut-être. Ah! Les étoiles montantes, t'as comme on a dit tantôt, le curcuma, le jackfruit, le riz chou-fleur, ou le riz de chou-fleur, le sourdough bread, une sorte de pain, le funfetti et les vegan donuts, donc des beignes végétaliens. Intéressant d'aller cliquer sur ces mots-là, ou en tout cas les copier-coller, parce que l'article n'a pas cru bon de faire des liens, pour en savoir plus sur chacun de ces produits-là, mais c'est les tendances en ce moment, si vous voulez utiliser ça, c'est là que ça se passe, avant que ce soit passé de mode. On va terminer bientôt pas mal avec, des nouvelles saveurs de soda, de liqueur qui sont disponibles au Japon. Donc, tu as prune salée et pickled radish, donc ça c'est du réfort, radis, dans du vinaigre. Okay. Donc pickled un petit peu. Les esprits créatifs derrière les liqueurs aux chips ont sorti deux nouvelles saveurs inspirées par les palais japonais selon Rocket News 24. Donc Kimura Drink Company offre maintenant des sodas à saveur de umeboshi, donc des pickled plums. Plums, je crois, pour m'assurer, juste être sûr de le dire comme faut, je crois vraiment que ce sont des prunes. Des prunes, exactement. Et puis le takuan qui est du pickled daikon radish, donc une sorte de radis mariné. Voilà, donc les boissons sont faites pour être complément au plat à base de riz, parce que leur ingrédient de base est traditionnel dans la cuisine japonaise. Les deux boissons ont le même genre de goût salé, mariné, que l'ingrédient d'origine, seulement avec un goût plaisant et on dit rafraîchissant et sucré à l'arrière-goût. Et c'est disponible maintenant en précommande pour 3700 yens, environ 35$ américains pour une boîte de 20 bouteilles de 8 onces et la livraison à partir du 18 juin pour la journée nationale japonaise du rice ball, de la boule de riz, ce qu'on appelle les onigiri dans restaurants. Oui, c'est bon. Super bon, c'est ça. Donc c'est la journée nationale de l'onigiri le 18 juin prochain. Tant qu'il a dépassé notre case horaire, hein. On dit qu'un baromètre mondial qui révèle des chiffres inquiétants sur la consommation de boissons sucrées, celle-ci serait en hausse dans différents pays. Ces boissons sont associées à l'augmentation des cas de diabète de type 2 et à l'obésité. On n'est pas tellement surpris. Un baromètre inquiétant a été dévoilé par la Chaire internationale sur le risque cardio-métabolique lors du congrès annuel de la Société européenne d'athérosclérose. À Innsbruck, en Autriche, ils mettent en évidence des différences marquées les différences marquées entre les ventes de boissons sucrées dans le monde. À l'échelle mondiale, donc le Mexique avec 146,5 litres par année et par habitant, le Chili à 143,8 litres et aux États-Unis à 125,9 litres. Représentent les plus grands consommateurs de boissons sucrées. Cependant, les augmentations les plus élevées entre 2010 et 2015 ont été observées en Arabie Saoudite à plus 22,5 litres par habitant, au Vietnam à plus 22,1 et en Géorgie à 22,1 de plus. En Europe, les Pays-Bas à 93 litres par habitant, la Belgique à 91,4 et l'Allemagne à 83,8 figurent en tête du palmarès. À l'opposé, les baisses les plus marquées ont été notées au Portugal, moins 19, en Grèce, moins 17,1 et en Croatie à moins 17. De son côté, la France se situe dans la moyenne basse. En 2015, les ventes de boissons sucrées se sont élevées à 50,9 litres par habitant. Selon un professeur chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, qui a présenté ce baromètre, je cite « La science est claire, la surconsommation de boissons sucrées est associée à plusieurs problèmes de santé tels que l'obésité abdominale et des concentrations élevées de lipides sanguins, ainsi qu'à un risque accru de développer un diabète de type 2. La hausse marquée des ventes de boissons sucrées dans les pays en développement est préoccupante et devrait être sur l'écran radar des autorités de santé publique. Fin de la citation. Notons que parmi la consommation de ces produits, la hausse des ventes de boissons énergisantes est particulièrement alarmante. Ce baromètre souligne la tendance vers une hydratation de mauvaise qualité qui, en combinaison avec une mauvaise alimentation, est un mode de vie sédentaire et un mode de vie sédentaire, pardon, doit être prise en compte rapidement. Eh boy! Un juge italien dit que, tu sais, quand tu te sépares, tu dois payer une... comment on appelle ça? Pas une rançon. Tu dois payer non. des... Voyons, le mot me vient pas. Quand t'es le père, tu dois payer à la mère... Des... Oh mon Dieu! Attends. On dirait qu'on oublie tous nos mots aujourd'hui, Mathieu. Des allocations. Pension alimentaire. Pension alimentaire. Ce qu'on appelle un alimony en anglais. Alimony. Bref, un juge italien a déterminé que l'alimony ou la pension alimentaire pouvait effectivement être payée avec la pizza. Ah, oh, ouais. Un juge italien a récemment dit qu'un propriétaire d'une pizzeria qui, lui, est âgé de 50 ans dans la ville du nord de l'Italie, de Padoue, peut payer sa femme, donc sa pension alimentaire, en pizza. L'homme, identifié sous le nom de NT, devait payer 300 euros ou 334 dollars américains par mois, donc après un divorce. Il a dit à son ex qu'il aimerait mieux payer en pizza. Et bien, sans grande surprise, elle a rejeté cette idée-là et l'a amenée en cours. Et malheureusement pour la mère et pour l'enfant, le juge Chiara Butozzi a choisi d'être du côté du père. Il a trouvé non coupable de non-paiement de pension alimentaire parce qu'il avait payé en pizza. Donc, il est non coupable de non-pension, de non-paiement de la pension alimentaire. Le juge a dit que l'homme de pizza ne faisait pas assez d'argent pour faire des paiements complets en argent. Donc, c'est totalement acceptable pour lui de payer en pizza. Bravo, je suis subjugué et bouche bée. Ouais, moi avec. Ça va créer des précédents, c'est clair. C'est sûr. Parce que n'importe qui pourrait dire, après avoir dit oui à ça, quelqu'un qui voudrait payer en genre, je vais tirer des souliers. Genre. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être n'importe quoi, là. En balle de tennis. C'est vraiment n'importe quoi, en fait. Une fois que tu ouvres ça, moi, je comprends pas. Mais en tant que tel, bon, c'est ce qui a été dit. Voilà. Et pour terminer, c'est une suggestion d'un auditeur fréquent d'émission ainsi qu'animateur de Julien Liberté les jeudis matins à 9h30. Samuel Gérard qui m'a envoyé une publicité pour la compagnie Docomo. C'est une compagnie c'est des télécommunications au Japon. Voilà. Oui. Donc, c'est une petite vidéo très rapide qui montre comment faire des crevettes tempura en 3 secondes. Ah oui, je l'ai vu. C'est super cool, c'est super bien fait. Donc, on voit dans la vidéo, évidemment, on l'a fait jouer en ondes et vous la voyez pas. Là. Puis vous allez entendre du chinois ou du coréen ou du japonais ou je ne sais quoi. Absolument, on va l'entendre ici. Voilà. Donc, ça dit, j'ai raté le début, là, mais c'était bon, de la farine, des œufs et des crevettes dans un fusil. Et là, en appuyant sur le bouton, le fusil tire les crevettes. Ça passe dans la farine qui est dans les airs, qui est soufflée dans les airs. Les œufs, le jaune d'œuf coule dessus. La chapelure après. Puis là, après ça, il y a une grosse flamme et crevettes tempura cuit. Et après ça atterrit sur une cible. Et de la cible, ça rebondit sur l'assiette à côté. Et voilà, c'est prêt. Et là, on mange. Ça. Comment ça goûte? Et elle répond pas. C'est vraiment super bon, une compagnie de téléphonie ou de télécommunication, Docomo. Et après ça, il dit que la semaine prochaine, on va faire des dumplings. De la même façon. C'est sur le site Asian Crush. Ils ont une page Facebook, Asian Crush. Je trouve ça sympathique pour terminer cette chronique. Tout à fait. D'une grosse pointe à l'adresse. Et nous voilà à terminer cette émission à 5 minutes de retard. Que voulez-vous? C'est comme ça que ça arrive. Merci d'avoir été là. Ben oui. Public en studio, public à l'extérieur du studio. On remercie Marianne Baudet. Baudet, exactement. Je suis connue sous le nom de Baudet. Baudet. Isabelle Baudet. Elle a maintenant été rebaptisée. C'est la fille d'Elisabeth Blouet-Brathwaite et l'autre? Non, pas vraiment. Absolument pas. Merci à toi aussi, Tania Baudin. Bien, merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct. Ça se passe, bien sûr, les mardis entre 14h et 17h. Plus tard, en soirée, il n'y a rien aujourd'hui. Pas de baseball, malheureusement. Non. On repasse les samedis. C'est tellement raté. On repasse les samedis entre midi et 15h. Après nous, c'est Skypunka. Et finalement, les dimanches entre 10h et midi. Après nous, il y a... du baseball cette semaine. Oui, en théorie. Oui, il y a du baseball, je me rappelle qu'il y en a. On fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai congé lundi. Et voilà. Voilà. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les dons de l'émission, les balados diffusion. C'est là-dessus qu'on se quitte. Même pas de musique pour terminer l'émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.